aujourd'hui, ça se résume les informations et puis les semis. Il y a énormément de semis. Là, c'est le moment. Il ne faut pas rater les semis de matin parce qu'après, il va être trop tard. Beaucoup. Alors, d'abord les pommes de terre. Pommes de terre. Il y a encore des plantes pommes de terre. Donc, je suppose, je dis ça, mais il y a ça, mais ces plantes pommes de terre. Il n'y a pas là, il n'y a plus. Si, il y a deux cajous. Ah, il y a encore. Bon, encore des plantes pommes de terre. Il y a surtout l'été qu'il ne faut pas rater, qu'il y en a, s'il y en a encore, des toluca et des sarpomina. Ça a été fait en Tchéquie. C'est le résultat de 10 ans ou 20 ans de recherche en Tchéquie pour avoir des pommes de terre résistantes, quasi à 100% résistantes au milieu. Donc on peut multiplier, qu'il n'y a pas de dégénérescence, il n'y a rien, donc il faut en profiter, il faut faire. Il y en a d'autres, hein, de plus en plus sur le marché. Mais en tout cas, cela, tout ce qui est sarpomila, et à côté de sarpomila, maintenant j'ai appris qu'il y en avait sarpomila, un autre nom. En Tchéquie, là, ils ont fait 4-5 variétés. J'en ai eu, je ne sais plus. Ouais, je pense que j'en ai mis, je ne sais plus. Enfin, j'ai eu cadeau, j'ai su ça. Voilà. Donc l'année prochaine, il y en aura encore, mais profitez, hein, donc. Pour la culture de pommes de terre, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est trop tard. Normalement, non. La meilleure saison pour mettre les pommes de terre, c'est juin. Donc, oui, les Russes ont essayé les machins, ça s'appelle la culture michourinienne. Donc, pour éviter le mildiou, même avant, donc avant qu'on connaissait les plantes qui résistent au mildiou, donc sa culture, donc c'est un ingénieur agronome russe. Michourine, qu'ils appellent, qui a mis ça au point, mais quand il met ses pommes de terre en juin et qu'il les laisse jusqu'aux premières gelées, c'est là le maximum de production et pas de mildiou. Donc, c'est en Europe, c'est à partir de ce moment-là que ça reproduit comme aux origines, comme on a là dans leur pays d'origine, c'est-à-dire des journées chaudes et des nuits froides. Et donc, c'est ce qui convient le mieux aux pommes de terre. Donc, il y a beaucoup de gens, bon, bien sûr, on met des pommes de terre tôt, pour les avoir tôt, au moment où ils sont chers, et pour avoir quand c'est bon, et tout ça. Mais je veux dire, celui qui veut... beaucoup de pommes de terre, et qui ne veut pas occuper, donc qui a beaucoup de place aussi, hein, parce que souvent, on met des premières pour pouvoir faire une deuxième saison avec autre chose, avec des autres légumes. Mais celui qui veut occuper que son champ avec des pommes de terre, doit pas être trop pressé pour mettre les pommes de terre. Il faut mettre les pommes de terre dans une terre qui est chaude, dans une terre qui est chaude. Hein, donc, il y a encore largement le temps, et même jusqu'au 15 juin. Donc, les meilleurs résultats qu'on avait obtenus, il y a plusieurs années, j'avais essayé cette culture mitourinienne et tout ça, et en effet, ça donnait des bons résultats. C'était planté autour du 15 juin, et laissé jusqu'au moment, jusqu'aux gelées, les premières gelées faisant tomber les pommes de terre, et quand c'était là le meilleur moment. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a encore des pommes de terre maintenant, des plants, ben non. Le problème, c'est faire tenir les plants jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est un problème difficile. Alors, quand on n'en a pas beaucoup, ça ne fait rien, on met dans. L'idéal, c'est dans le fond du frigo, hein, à 4 degrés. Et donc là, les pommes de terre gèlent à partir de 7 degrés. Donc, c'est valable aussi pour les pommes de terre de provision. Hein. Quand on veut garder les pommes de terre sans poudrer, sans fer et tout ça, il faut les garder entre moins 1 et 7 degrés. Parce qu'à 7 degrés, ils germent, ils démarrent. Hein, donc pour les pommes de terre, provision, c'est valable aussi. Donc pour les plants, c'est essayer de les garder là. Donc il y a moyen, chacun d'envoyer dans une remise quelque part, hein, donc pour les laisser en dessous de ça. Donc c'est ça la difficulté, c'est les maintenir avant. Donc, alors, pour faire démarrer, les pommes de terre, pour faire au contraire, donc pour accélérer, pour donner des germes, c'est l'obscurité et la chaleur. Donc, obscurité et la chaleur. Pour les ralentir, c'est froid et lumière. Donc, il y a aussi comme ça, on sait. Donc quand les plants démarrent très tôt, par exemple, qu'on ne veut pas, on peut aussi les sortir tant qu'ils ne gèlent pas plus que moins. Donc, les mettre dehors, par exemple, plein de lumière pour les ralentir, et puis pour avoir des germes plus grands aussi. S'il y a des grands germes, plus forts, essayez de les mettre avec les germes, sans les casser. C'est pas facile. Parce que si les germes, ils cassent, et qu'ils reviennent, souvent, très souvent, ils reviennent des autres, mais on a perdu une partie de la production. Ça, c'est évident. Ça, c'est, ouais, voilà. Donc, alors, on peut... Nouvelle méthode, maintenant, et mieux qu'avant, c'est de ne plus enterrer les pommes de terre. Donc, pour la culture. Donc les fermiers le font maintenant depuis un certain temps. Donc c'est les mettre pas profond, 5 cm, et buter, hein, directement. Mais il y a aussi des... Donc c'est les mettre à fleur du sol, là où la terre elle est la plus riche. Et puis, en bio, alors, c'est accompagné plusieurs fois avec des butages. Donc c'est le principe de la pyramide. Hein, donc c'est donc la terre étant à plat, quand on fait le principe de la pyramide, on augmente la surface par, je pense, 2,5, je pense, il faudrait demander ça à des mathématiciens, à des gens qui se trouvent bien en calcul. Donc ça veut dire 2,5 fois exposé au rayon du soleil, à l'air, et donc les pommes de terre aiment bien ça. Donc plutôt que les mettre plus profond, hein, parce que pour l'avoir, on bute. Et le butage, quand on accompagne le butage, une fois, deux fois, trois fois, quand on fait, ça peut aller jusqu'à doubler la production. Donc à un moment donné, on a fait les tours à patates. Il y a quelqu'un qui a mis ça une fois sur l'Internet ou sur, je ne sais pas, il y a déjà un bouton, il y a 20 ans ou 30 ans. Je suppose que lui-même n'avait jamais essayé parce que ça ne marchait pas. Moi, j'ai essayé pendant des années avec toutes les variétés, avec des tours. Ça m'a pris une énergie formidable. Ben, c'était bon pour mon poids. Hein, mais vous vous rendez compte que vous faites une tour là, un mètre de diamètre sur un mètre de haut. C'est un mètre cube de bazar. Pour remplir un truc d'un mètre cube, et j'en avais fait plusieurs, c'est du boulot, ouais, de la terre et du bazar, pour avoir rien du tout. Ben, je dis rien du tout. Ben, le fond des patates, je veux dire, au maximum, une double production dans le bas. Bien sûr. Donc, mais on arrive au même résultat en accompagnant, en butant. Et pas plus. Après, ça ne va plus. Donc, y a peut-être, l'idée était bonne. Hein, c'est qu'en fur et à mesure qu'on bute, ça émet des... Pas des racines, des machins, et ça fait des tubercules. mais après un certain temps, ça ne marche plus. Ça arrête. Ou alors, il faudrait trouver des pommes de terre vivaces, des trucs, des plants qui ne s'arrêtent pas, quoi. Peut-être que dans certains pays, vivaces, mais je ne pense pas que les pommes de terre, la culture vivace, je ne pense pas que... Enfin, on ne sait jamais, tout existe sur la terre, je ne vais pas dire trop tôt que ça n'existe pas, mais voilà. Mais donc ça a des bons résultats. Donc accompagner avec le... Est-ce qu'on peut buter avec n'importe quoi? Pardon? Est-ce qu'on peut buter avec n'importe quel... Oui, oui, et alors, oui. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il y en a qui mettent carrément des pommes de terre sur le sol, mais ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai lu, je n'ai pas fait moi-même l'expérience, donc je veux dire, je ne me méfie pas, mais enfin, je dis, il faut essayer, si ça ne marche pas, il ne faut pas dire que j'ai raconté des conneries. Bah, là je n'ai pas expérimenté moi-même. Mettre les pommes de terre sur le sol, et puis mettre, par exemple, du fumier directement dessus, ou des tons de pelouse, ou des, et ils montent comme ça avec. Il paraît que ça donne des bons résultats aussi. Donc voilà, donc on peut... Tout mettre, voilà, dire, il a fait. Hein, du corpon, du... Ah ouais, et alors? Non, moi j'ai fait avec du BRF, du broyard de... Ça donne autant qu'en pleine terre. Ah oui, voilà, ou avec du broyard de... Du bois, du bois broyé, voilà. Des vieux bois, et carrément buté. Ça va bien. Mais donc normalement... Donc normalement on peut buter avec n'importe quoi, augmenter la butte avec... Mais il faudra essayer et donner les résultats. Enfin, dire comment ça a marché. Hein, ouais, voilà. Mais moi, j'ai mis simplement, comme j'ai gratté un peu le sol, j'ai mis la pomme de terre, du centimètre pour être en contact. Ouais. J'ai buté au fur et à mesure. Ça donne le même. Ah oui, voilà. Bon, il y a moins de travail. C'est bon à savoir. Au fur et à mesure que la verdure montait, je butais. Parce que je pense que c'est surtout utile pour les terres qui ne sont pas encore, je veux dire, biologiques, qui ne sont pas encore, pas encore beaucoup d'humus, qui ne sont pas encore très vivantes, que la terre n'est pas encore riche. Donc il vaut autant, alors, parce que ça ne sert à rien, si on le met en profondeur, ça va végéter. Il y a beaucoup d'affaires qu'on met quand une terre n'est pas riche. On met donc les racines sur une terre pauvre, donc ça ne pousse pas bien, n'importe quel légume, n'importe quel... Donc ça pourrait être, ou bien alors les terres, en attendant, des terres très lourdes, très argileuses, qui, entre parenthèses, lourdes, argileuses, sont bio, après quand on fait bien, ça vient les terres les plus riches, une production phénoménale, hein, une fois qu'on met de l'humus dedans, qu'on met de la vie. Mais au départ, donc, au plus une terre est lourde et argileuse, au moins il faut la travailler. Parce qu'au plus on la travaille, au plus elle vient, lourde, hein, au plus qu'elle vient... Hein, vous travaillez une terre argileuse, vous machin, à la première grosse pluie, après ça fait des strates. L'argile se trouve en strates comme ça. Donc c'est des strates d'argile. Hein, quand on examine au micro, ça fait tout. Hein. Donc, vous remuez une telle argileuse, vous bêchez, vous faites, c'est bon, quelques semaines, jusqu'à la première grosse averse, première grosse pluie, elle se remet en strate, et alors elle devient étanche. Compact. Elle devient compacte, elle devient de plus en plus. Donc, au plus une terre est lourde, au moins il faut la travailler. Donc, et la solution, alors, c'est sans arrêt alimenter le dessus. Sans arrêt mettre. Elle doit être couverte sans arrêt par quelque chose pour alimenter toute la vie, la flore, les vers de terre et tout qui vont venir dedans, et eux qui vont faire le boulot. Donc ça demande, je veux dire, quelques années, mais ça vaut la peine. Donc normalement, en bio, il ne faut pas remuer les terres, le moins possible. Hein, mais surtout les terres argileuses, les gens ils pensent que donc, l'effet mécanique, faire aérer, ben non, c'est encore pire. Dans les terres argileuses, ça passe. Donc, par exemple, c'est pour revenir aux pommes de terre, donc des terres comme ça, mettons 5 cm ou sur le sol, et puis buter, parce que le butage aussi est très utile. Donc, exposé au vent, au soleil, là, l'argile devient grumeleux, donc vient aérer, et ça, c'est bon. Ce qui rend aussi les terres lourdes, argileuses et tout, pour les mettre en boule, plutôt qu'en strate, pour les mettre en boule, pour laisser passer l'eau et l'air, ce sont les algues marines. La chaux, les algues marines, ou bien la craie, le plâtre, tout ce qui est de cet ordre-là. Pas la chaux vive. Hein. Ça brûle. Ouais, parce que la chaux vive, ça tue les vers de terre, ça tue les bananes. Ouais, on en voit hein, des herbicides à partir de chaux vive et d'autres trucs, là, je ne sais plus, j'ai oublié le nom maintenant. Truc noir, ouais, la cyanamide de chaux. Et tout, hein. Ah, c'est un bon herbicide, ça fait. Ouais, mais il est tellement bon qu'il n'y a plus de vie, hein. On employait ça avant comme herbicide, avant les cultures. L'avantage de cyanamide de chaux, c'est que ça se transforme en azote après, donc ça se transforme en engrais. Mais en attendant, en culture bio, il a tué tout. Je ne dis pas toute vie, pour tuer toute vie, il faut beaucoup, mais il a fameusement ralenti toute la vie. Donc, et nous, ce qu'on cherche, c'est augmenter la vie. Donc. Hein, voilà, si on a mis de choix, à un moment donné, on a utilisé ça énormément. Hein, donc il faut. Oui. Pour buter les pommes de terre, c'est important de ne pas étouffer les feuilles. Non. Au plus on accompagne avec les tiges, au plus les tiges vont émettre des stolons, avec des pommes de terre. Parce que ici, avec le premier, les saintes glaces, ouais. C'est important de c'est gâcher ça. Les feuilles. Si on s'aperçoit qu'il va geler, qu'il va faire et que les pommes de terre sont hautes, au contraire, il faut les buter. On peut même les buter complètement, que les feuilles, même, on ne voit plus rien. Et après, ils vont. Là, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, on peut beaucoup les buter. Même que les feuilles, même qu'on ne les voit plus, après, ils vont replanter dessus. Et ça va être d'autant mieux, ils vont. C'est très vigoureux. Ah ouais, il n'y a pas de problème. De ça, sur la leçon pour les buter. Ouais, c'est une anecdote. Buter les pommes de terre, ça ne veut pas dire les zigouiller. Hein. Non. Bon, avec un fusil de chasse, on pourrait les buter avec un fusil de chasse, mais c'est pas ça. Hein. C'est ramener de la terre. Hein. Au jardinage, buter, ça veut dire ramener de la terre. Hein. C'est pas hein, les temps qui coulent, avec tous les films policiers qu'on voit maintenant. On peut carrément tout, les feuilles. Oui, les feuilles sont déjà bien. Ils sont déjà bien développés. Oh, quelques jours après, ils vont devoir être là. Oui, ça va les gêne pas. Ben, si ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas le faire. Hein. Comment ? Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ça ne fait pas pourrir les feuilles ni rien. Non, non. Non, non. Et même, quand on fait le deuxième palier, là, de toute façon, quand on les bute, il y a des feuilles dedans, hein. Mais après, ils vont pousser. Non, non, ça fait. Non, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas pourrir. Hein, après, oui. après la sélection des variétés pour que le mildiou ne bute pas les pommes de terre, qu'est-ce qu'on fait ? Pour que le mildiou ne fait pas quoi ? Ne bute pas les pommes de terre. Ah ben non, il faut choisir des variétés qui résistent au mildiou. Il hein. n'y a que ça. Ah ben non, ça est la culture méturinienne. Plus tard que les conditions sont réunies. Et alors, aussi, ne pas faire de carré, comme pour tout, mais surtout pour les pommes de terre. Hein. Ne pas faire de carré de pommes de terre, c'est-à-dire une place, il faut faire une ligne, au maximum de lignes, mais c'est mieux une ligne, et puis une autre ligne plus loin, et tout ça. Donc les pommes de terre, quand ils sont tout seuls et mieux aérés, ils produisent aussi beaucoup plus. Hein. Quand on fait un carré de pommes de terre, les pommes de terre du tour, sont deux fois plus importantes, il y a deux fois plus de production, le pourtour, et tant moins au milieu. Et le mildiou, quand il commence toujours au milieu de la parcelle. Les champignons, c'est un champignon. Et il se développe, à partir du milieu, il se développe par cercle concentrique, comme ça, et puis il envahit toute la parcelle. Donc quand on met une ligne, ou deux lignes seulement, bien aérées, bien fait, ça évite déjà beaucoup. Et puis quelquefois, et c'est curieux, les tomates aussi, les pommes de terre, dans un coin de son jardin, on met là une ligne, et puis une ligne 5 mètres ou 10 mètres plus loin, quelquefois, il y a une ligne qui est attaquée, et celle à 10 mètres plus loin, il n'y a rien. Donc il faut, on partage beaucoup les risques aussi, quand on fait comme ça. Alors pourquoi, ça c'est chaque jardinier qui doit analyser, pourquoi là ça va mieux, et retient pour l'année d'après. Mais c'est valable pour tous les légumes, hein. Pour les céleri graves, pour les machins, pour les carottes, pour tout. Il y a toujours des endroits où ça pousse mieux. Donc il faut arrêter, abandonner l'idée de rotation. Là. Automatiquement, la rotation, c'est de moins en moins valable. Sauf pour les légumineuses qu'on ne peut pas remettre à la même place, hein, parce qu'ils sont, hein, y a les bactéries, antibactéries. Là. Mais pour les autres, quand ça va bien quelque part, quand on a trouvé le coin, où les carottes ils poussent bien, où ça pousse bien, ben, il faut les remettre, les légumes peuvent venir des années à la même place. Des pommes de terre, 10 ans à la même place. Ouais, alors qu'on dit qu'il faut changer, c'est pas vrai. 10 ans à la même place. Et ils produisent 10 ans comme il faut. À un moment donné, on le voit, à un moment donné, ça dégénère un petit peu. Les feuilles deviennent plus petites, plus... et tout ça. Mais on a le temps de voir avec pour le changer. Mais il ne faut pas... Automatiquement, avant, on disait qu'il faut changer, il faut tourner. C'est pas vrai. Quand une plante se plaît bien quelque part dans tel coin, c'est à cause de la lumière, du climat, la terre, là. Il y a toutes sortes de... Et donc, ça va bien, ouais. Même pour l'ail. Ah, souvent, moi, je mets l'ail à la même place et il va bien. Pour l'ail. Il y a juste pour les légumineuses qu'il faut faire attention. Donc, les légumineuses, c'est... Les haricots. Donc c'est les haricots, les fèves, les petits pois, maïs. Pourquoi? Parce que il y a des nodosités qu'on appelle, c'est des petites boules là qui se mettent sur les racines. D'ailleurs, au sorti de la guerre, on avait utilisé Bayer était fort pour ça, Bayer terrible. Comme il y avait des petites boules sur les racines, après on a su que c'était des usines qui fabriquaient de l'azote et d'autres engrais pour la plante. Alors, la plante fabriquait ses propres engrais. Mais Bayer avait dit que c'était un champignon liberticide qui tuait les bazar. Ben, lui, liberticide, il s'y connaît. Hein. Et donc, il a tout de suite mis au point un produit pour tuer les bactéries qui fournissaient l'engrais. Alors, il faut faire quand même. Hein. Ah ouais, hein. Quand on y réfléchit, bon. Et il a fallu quelques années pour que des autres scientifiques disent que c'était des bactéries. Bon, donc, c'est des bactéries qui fabriquent de l'azote. Mais ce qui se passe sur les légumineuses, donc on met ça, donc les bactéries sont là, ils fabriquent l'azote, c'est qu'il y a des autres bactéries qui viennent pour manger ces bactéries-là. Dans la nature, tout, il y a tout et son contraire. Hein. Comme dans la vie, il y a tout et son contraire. Donc toujours, alors, si vous replantez à la même place des légumineuses, les bactéries qui mangent les bonnes bactéries qui fabriquent l'azote sont présentes. Donc là, la production, elle diminue fort. Hein. Donc c'est là que... Là, il faut les changer. C'est pour ça qu'il faut changer les légumineuses, pas les remettre à la même place. Tandis que, par exemple, pour les solanums, c'est contraire. Ça, on est sûr. Mais on est au début de toute cette recherche, de tous ces trucs. Pour les solanums, ça, c'est les tomates, les pommes de terre, les aubergines, les poivrons et tout ça. Eux, ils aiment bien de revenir sur leurs propres déchets. À condition qu'on laisse les déchets. Donc, il ne faut pas les évacuer. Donc, les tomates, il faut laisser les déchets sur place. Pourquoi ? Parce qu'il y a, alors, là, sur place, des champignons anti-mildiou. Donc quand il y a mildiou, il vient des champignons anti-mildiou. Comme pour les bactéries avant, il vient des antibactéries. Donc, à la fin de la culture, il vient... Et quand on les remet à même place, il y a des champignons anti-mildiou qui protègent déjà la plante quand le mildiou arrive. Donc, voilà. Donc, c'est juste le contraire des légumineuses. Et donc, il y a tout plein de systèmes qu'on commence à comprendre, comme le principe de la culture, les cultures associées, quoi. Jamais mettre deux choses en même temps. Pourquoi ? Parce que toutes les plantes émettent des sécrétions, et les sécrétions des plantes sont, pour les plantes elles-mêmes, c'est pour faire leur espace vital, pour tuer ceux qui sont autour, mais ce qui est poison pour l'un devient aliment pour les autres. Donc, quand on trouve bien ce qui est poison pour une plante à côté, donc on a tout gagné, alors, parce que le poison devient engrais pour les autres plantes. Donc, c'est le principe des des associations. Hein, par exemple, on met des haricots au pied des arbres fruitiers, hein, pour le faire grimper, par exemple, pour le domaine des rames, on met les haricots, les arbres pompent l'eau en dessous, mais il y a donc ils vont chercher les onglets et l'eau profondément. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les arbres ne pompent pas l'eau. Ils pompent l'eau, mais bien, ils pompent pas l'eau au détriment des vendeurs. Mais là, au pied des arbres fruitiers, il y a une dizaine de centimètres qui est sec. Ce qui convient le mieux à la culture des haricots. Ce qui est en horreur, c'est d'être dans l'humidité permanente. Donc que l'eau est stable, que l'humidité est. Donc en association, mettre des haricots au pied des arbres, des grimpants, ils vont servir de l'arbre comme tuteur, mais en même temps, ils vont faire de l'engrais pour les plantes et ils vont se trouver dans un milieu qui est favorable. Donc, il faut toujours chercher favorable pour les deux. Donc, on est au but de toutes ces recherches, de tout ça, on commence à comprendre, et c'est étonnant, la nature, comment... Mais la nature reste jamais rien vide, hein. Alors, j'ai vu, en télévision, pour remarquer comment on vient bête, quand même, si on se laisse avoir, la réclame pour le... Quand il manque un morceau de gazon. Vous n'avez pas vu là, ah oui, oui. Hein? Oh. Bah, écoute, ça, c'est le sommet du bazar. Donc, il manque. Il y a 30 cm sur 30 cm dans votre gazon que le bazar. C'est dû à un champignon, d'ailleurs. Hein? Il y a des champignons qui font comme ça, on sait maintenant la cause. Et alors, il faut acheter des produits, il faut mettre pour avoir un produit qui remplace cette air. Comme si l'air tout seul va pas boucher ce trou. Donc, c'est tout un truc. Mais ça coûte des prix fous, attendez, de publicité. Pour boucher les trous de 30 cm de gazon, finalement. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. D'ailleurs, il suffit d'aller. C'est un petit truc de rien du tout. Hein. Peut-être pour les femmes, c'est un peu plus difficile. Pour les hommes, c'est plus facile. Mais aller pisser au milieu de ce trou. Ah ouais, hein. Plusieurs fois au milieu de ce trou. Champignon, il est mort, et puis l'herbe va le pousser tout de suite. Hein. C'est pas de la blague. Hein. Et ça coûte moins cher, quand même. Donc, il y a déjà longtemps que je n'ai pas parlé de l'urine, mais donc l'urine humaine est le meilleur. C'est ce qui est le plus chargé en oligo-aimant, pardon. Donc utile pour toutes les plantes, hein, c'est dans l'urine qu'on trouve le plus. Donc s'il y a moyen de gaspiller jamais votre urine, hein, si vous avez un tonneau ou un bac avec purin végétal, là, pour les hommes, je dis que c'est facile, ils vont pisser dedans, là, dans les manières. Mais prenez et mettez de l'urine dans votre purin végétal, ça c'est un engrais formidable, hein, donc rempli d'oligo-éléments de toutes sortes. Alors l'urine c'est aussi un herbicide. Donc quand vous allez pisser au pied d'une plante, c'est un engrais. Et ça empêche les champignons, les bactéries, enfin ça, c'est sain. Si vous allez plusieurs fois, c'est un herbicide total. Vous ne savez pas vous débarrasser de l'iselon. Hein, l'iselon, par exemple, là-dessus, vous ne savez pas vous débarrasser. Vous allez pisser tous les jours là sur l'iselon. Là, il est mort. Hein. Donc, c'est des trucs quand même pas chers, et bien. Quand on a un grand jardin, il faut boire beaucoup. Non, mais il vaut mieux le diluer quand il est dans un filet végétal. C'est des choses qu'on n'y pense pas. Pourtant, et on vend des oligo-éléments quelquefois. Ça coûte très cher, hein, comme palier aux carences, il manque ça, hein, il manque du magnésium, le zinc, il manque ci. Alors que l'urine contient tous ces oligo-éléments, donc pas perdre. S'il y a encore des questions. Oui, ne pas cultiver en carré, ça aide aussi pour éviter l'invasion des mulots. Ça quoi ça? Dans les patates. Ouais. Ne pas cultiver en carré. Ah, ça, ouais, ça en partie, ouais. Mais pas totalement, non. C'est mettre des topinambours. Il y a encore des topinambours. Ouais. Les topinambours sont un entrée comme les capucines. Il faut mettre des capucines pour attirer les pucerons. Pour concentrer les pucerons, quand on concentre quelque part dans la nourriture, les coccinelles, ils viennent, et les oiseaux et tout ça. Donc, quand on veut se débarrasser de quelque chose, soit on trouve quelque chose pour les faire partir, soit pour les attirer. Donc les topinambules, quand il y a de l'inuline qui attire les rongeurs, ils ne savent pas résister. Donc quand il y a des topinambules, ils vont préférer venir manger les topinambules et vont laisser vos carottes et vos céleri là, les carottes de chicons, ils vont laisser tranquille. Et comme il y a concentration alors de mulots, de compagnons quelque part, il y a grande chance que ça va être remarqué par des chats, par des oiseaux de proie. Le mois passé, j'avais dit des vautours. Mais c'est difficile, paraît-il, d'avoir des vautours. Mais il y a quand même des éperviers et des... Alors, s'il y a concentration de nourriture, c'est vite vu, et donc le rééquilibre se fait. Hein, donc voilà. Il y a toujours un décalage. Hein, Mais donc, il y a tout plein de trucs comme ça. Donc, bien sûr, vous sacrifiez quelques topinambules, bon, ça, c'est pas grave. Hein. Mais il y a d'autres toxiques. Il y a des mulots dans le jardin. Il y a des perviers, une chouette qui viennent, mais les mulots et les rats, ils s'attaquent aussi aux patates du paysan d'à côté, ils mettent du poison, et puis les perviers... Toluca, T-O-L-U-C-A, Toluca, Toluca, ouais, Toluca, ouais. De faire en juin, là, c'est Michou, quoi, c'est quoi? Vous avez parlé de l'ingénieur... Michourinienne. L'ingénieur agronome, il s'appelle Michourin. Michourin. Il est mort depuis longtemps, hein. Si vous voulez le contacter, ça va être trop tard. Hein. Mais voilà. Mais il faut essayer, ça vaut la peine, tout ça. La condition qu'elle... Il faut de la place. Mais même, il y a certaines, comme Sarpomila, la culture, c'est quand même long, hein, c'est 150 jours, ouais, à peu près, donc c'est 5 mois, donc vous ne savez pas mettre beaucoup d'affaires à la place. Donc ça, mais donc pour ces variétés-là, ça vaut la peine de les mettre un peu plus tard et puis de les laisser aller jusqu'au premier gel et tout. Donc, et ouais, bon, mais je suis toujours au premier point. Il y a deux pages. Deux pages. Pommes de terre, à cause des questions, on est parti des pommes de terre. Ça vaut la peine. Hein. On n'a pas que trouvé les arbres à frites, c'est depuis des années. Mais voilà. Les arbres ensuite. Les arbres. Alors, quelque chose que je voulais dire aussi, pour éviter, il y a des gens qui cherchent à éviter les dangers des frites. C'est trop. Mais il y a un moyen, c'est utiliser l'huile d'olive. Hein. On n'a pas l'habitude. Hein. Non. Donc les frites à l'huile d'olive, c'est délicieux. Et tout le monde sait que l'huile d'olive compense les effets néfastes des eaux d'huile, hein, de l'effet des huiles. Hein. Donc c'est très bon, hein, les frites à l'huile d'olive. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude, mais nous, on fait ça depuis un certain temps. Il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Le problème, c'est les graisses de bœuf ou les huiles. D'autres. Ça, et les frites, alors, ça peut poser des problèmes. Donc, celui qui aime bien les frites et qui veut continuer à faire des problèmes de santé, tout ça, remplacer par l'huile d'olive. Les autres aussi, d'ailleurs. Mais il y a l'huile d'olive, mais l'huile de lin, pour les autres, en fait, pas pour les fritures, je crois. Mais l'huile de lin aussi, maintenant. Avant, l'huile de lin n'était pas recommandé parce que l'huile de lin contenait une espèce de poison, une espèce de... Je ne sais plus comment il faut appeler ça. C'était légèrement toxique. Il y avait un produit toxique dans l'huile de lin. Mais on a éliminé ça. Depuis, on en fait des huiles de lin qui n'ont plus ça dedans. Donc l'huile de lin, pour la santé, c'est recommandable pour des autres usages. Hein. Je ne parle pas de frites, je ne sais pas. Mais pour les salades, pour autre chose. Mais l'huile d'olive aussi. Hein. On se demandait, on avait fait des études en Espagne et surtout dans le sud de la France, là, dans les endroits où ils mangent vraiment copieusement, là, je ne sais pas où, là, dans certains où il y va, et il n'y avait pas de maladie cardiovasculaire ou très peu ni de machin, et ils disaient ça c'est étonnant, mais c'est à cause de l'huile d'olive, hein, l'huile d'olive qu'on pense, les excès, je veux dire, Voilà. On est parti alors. Petit marché aux plantes, donc vous avez vu que ça marche. Donc il y a des tomates, des plantes de toutes sortes. Il y en a là-bas, mais il y en a aussi dans la serre californienne. Des pommes de terre aussi et des tomates aussi dans la serre californienne. C'est deux fournisseurs différents. Non, mais quand j'appelle fournisseur, tout le monde peut ramener des surplus Et le monde, t'es ramené avec des salades. Enfin, voilà, donc c'est ouvert à tout le monde. Hein. Le petit marché aux plantes, hein, donc c'est pas des professionnels, bien sûr. Hein. C'est des gens qui viennent, vous avez pris, vous avez vu, à des prix formidables. Hein. D'accord. Quand on voit ceux qui vendent maintenant les plantes tomates ou les pommes de terre, le prix, ça devient dément. Hein. C'est pas ça marche. Hein. On en profite, hein. C'est la mode et tout bazar. Alors on vend les prix dans la jardinerie. J'ai vu des plantes fraisiers à 3 euros. Hein. Ça devient complètement dingue, complètement fou. Donc là, il faut absolument s'arranger nous-mêmes. Celui qui fait ça facilement et qui a des surplus, qui ramène des surplus, lui, il va ramener un petit bénéfice, il va pas perdre, et ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Donc le petit marché aux plantes est ouvert absolument à tout le monde. Aussi bien les dimanches matin que les jeudis après-midi, hein, lors des permanences. Hein. Donc on peut ramener, essayer de... Donc c'est surplus, ça va faire plaisir. Et celui qui l'a fait, il va récupérer un peu. Voilà. Ouais, il y a des problèmes. Alors, les tomates. Bon, ben, j'espère que ça ne va pas être aussi long que les pommes de terre. Mais... C'est la même famille. Alors, comment cultiver la meilleure moyen de cultiver ces tomates et les meilleures tomates? Bon, ben, c'est très difficile. Il y a 850 variétés de tomates dans le catalogue et ils sont tous bonnes. Voilà. Là, ça s'arrête, chacun doit choisir. Ça c'est facile à choisir. Hein. Donc, vous avez le choix entre 850. Si vous ne savez pas comment, Vogelpick, hein, Vogelpick pour les Français, ça, ben, c'est une flèche, hein, petite fléchette. Là, hein. Vous mettez un plant de tomate là, et vous laissez tomber une flèche dessus. Si, ben, ça tombe sur telle variété, ben, vous prenez celle-là. Voilà, donc, surtout, non. Ça va plus loin que ça, mais je veux dire, il y a tellement de variétés, tellement c'est bon. Alors, comment ? Allez, il y a beaucoup. Le meilleur moyen que l'INRA en France a trouvé, parce qu'ils ont fait des tas, comment se défendre du mildiou, comment production, etc. La meilleure, ce qu'eux, ils ont trouvé comme maître à champ, comme moi, je voulais dire, hein, comme voisin, c'est les faire pousser au milieu d'un machin de clôture, d'un grillage de clôture. Donc à large d'ouverture, là. Grillage de clôture. Diamètre 1 mètre. Mettre un gros piquet au milieu. Donc hauteur 1,50 m, 2 mètres. C'est déjà beaucoup. Un grand piquet au milieu. Mettre un plant de tomate. Donc au milieu de lier le plant de tomate. Et c'est tout. Pas taillé, plus touché, plus faire. Et donc le tomate va pousser librement. Vous allez chercher les tomates à travers le jardin. Ça va pousser jusque 2 mètres et même jusque 3 mètres. C'est là qu'il y a le maximum de production et le minimum de maladies. Ça, c'est l'étude de l'INRA en France, l'Institut de recherche agronomique. Voilà. Oui. Enlever les gourmands. Pas enlever les gourmands, pas toucher. Pas toucher. Pas enlever les gourmands. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est ressorti de ça. Alors de là, maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre dans un cercle. Vous mettez, sans enlever les gourmands, ça donne de très très bons résultats. Donc on n'est pas obligé. Ça ne diminue pas la grosseur des fruits et ça ne diminue pas la production des fruits. Vous avez encore autant de fruits et d'un volume pareil, sans enlever les gourmands. Donc en laissant pousser librement. Le problème, c'est qu'il faut deux fois plus de place. Il faut deux fois plus de... Il faut compter, c'est minimum 80 cm. Hein, 80 cm à 1 mètre entre les plants. Hein, donc, parce que ça, donc, il faut de l'air. Hein, donc, le problème, c'est que si vous mettez à 50 cm ou 60, ça va être trop tassé. Donc, il faut... Donc, il y a beaucoup. Il y a la méthode de taille, il y a tout plein de méthodes, mais voilà. Donc, on n'est pas obligé de tailler, contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas obligé de tailler. Si vous voulez avoir des tomates jusqu'au Noël, et même jusqu'au mois de janvier, vous choisissez les plants tomates les plus vigoureux et les gourmands, c'est ça qu'on appelle, les gourmands les plus vigoureux, les plus beaux. Donc vous cassez le gourmand et vous replantez. Donc le gourmand, vous replantez le gourmand. Ce gourmand va donner des tomates beaucoup plus tardiques, donc vous aurez des tomates là jusqu'au Noël. Je parle en serre, pas dehors, en serre froide. Hein, donc, parce que ça met le temps que ça fait ses racines. Mais vous avez alors des tomates très costauds qui viennent beaucoup plus tard et donc c'est comme les géraniums. Ça se comporte que les boutures, donc, donc on peut faire. Donc si vous avez une tomate que vous n'avez pas beaucoup, vous n'avez qu'un plant aux tomates rares et tout ça, ah ben, il y a intérêt à faire, voilà. Vous faites des... Vous bouturez, voilà. Vous faites des... On a dans quelle taille de gourmand? Ah, ben, assez costaud, donc. Je vais dire, quand les gourmands ont une vingtaine de centimètres, quand ils sont bien costauds, pincez, là, comme on fait, comme on tire les gourmands, et puis vous les mettez, je vais dire, 5 centimètres de la terre, hein, voilà, et puis c'est parti. Ouais, voilà. Pardon ? Ah ouais, parce que le premier gel... Ça non, ça dépend, non, hein. Même dehors, hein, ouais. En serre ou dehors, ah oui, même dehors, ça marche. Mais dehors, je vais dire, en serre froide, ça peut durer jusque Noël. Tandis que dehors, pas, hein, dehors, au premier gelé, ça, c'est fini, hein, les tomates. Ouais. Alors, les tomates supportent tout, à condition que ce n'est pas en contact avec les racines. Donc, à un moment donné, il y avait la méthode, bon, c'était mieux qu'avant peut-être, hein, mais on mettait des feuilles de rhubarbe, on mettait des orties, on mettait tout ça, dans le fond du trou. Maintenant, avec les machins, on s'aperçoit que c'est mieux les mettre au-dessus, pas dans le fond du trou. Donc, pour ça, on étudie le problème, parce que ça gêne les racines, ça provoque, ça fait des champignons, ça fait des moisissures, ça fait... Mais c'est toujours utile quand on met un paillis, quand on met un gros paillis au-dessus, quand on a fini de planter les tomates, là, mettre alors là beaucoup de... des orties, tout ça. Mais alors, on peut mettre... Ce qui marche le mieux, c'est du compost de broussailles. Celui qui... compost de broussailles, ça veut dire du bois... Vous voyez, là, 15-20 cm de compost. Mais aussi du fumier, même du fumier frais, du fumier de fumier de cheval, fumier de n'importe quoi, 15-20 cm au pied, une fois que la tomate est bien partie, je veux dire qu'elle a 40-50 cm. Donc elle est bien faite, donc on met une couche au pied. Pas si tôt la plantation finie. Donc il faut attendre pour mettre une grosse couche. Ce qui marche bien aussi au départ, c'est les herbes, la pelouse fraîchement coupée. Mais là, c'est pour 1 ou 2 cm. Ça, c'est au départ. Hein, après, c'est des trucs qui doivent rester plus aérés. Et les tons de pelouse font un compost, un truc qui est trop... qui est trop compact, oui, qui empêche le... Voilà. L'aération. L'effet de rhubarbe aussi. Les feuilles de rhubarbe, oui. Les feuilles de consoude, c'est bien. Oui, les feuilles de rhubarbe. Potassium. Ouais, consoude. Consoude, ortie, prêle, et tout ça au-dessus. Mais aussi, par exemple, pour la serre. Pardon ? En plus du voyage du bois, ils peuvent mettre ça. Ah non. L'un ou l'autre. Oui, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Ou bien, ouais, peut-être faire un mélange, c'est peut-être bien. Ouais, mais il faut les mélanger, là. Par exemple, bois et mélanger du fumier, faire un... Ah oui, ça fait bon. Et même avec de la pelouse, si on mélange avec autre chose, ça peut aller. Oui. Du moins que c'est pas, ça ne fait pas compact. Quand on plante les tomates, on les met, le pot est là comme ça, on met au même niveau que la terre, ou on enfonce? Non, justement. Il faut mettre dans une terre fertile. Ça dépend. Plus profond? Mais si vous avez une terre très riche depuis longtemps, bio, il vaut mieux le mettre à 10-15 cm. Si vous n'avez pas une terre très fertile encore, il faut mettre dans la terre fertile. Donc la terre fertile, c'est celle d'en haut. Et alors, buter, par exemple, ou accompagner avec... Même si des feuilles sont à nouveau cachées. Alors, il y a maintenant des tomates. Dans les tomates, il y a deux grandes catégories. Apport déterminé, donc qu'on appelle buisson. Hein, apport déterminé, ça veut dire qu'il faut... Selon les variétés qu'on a mis au point, il y en a même qui font qu'un bouquet quelquefois. Et puis ça s'arrête. Donc un seul bouquet. Donc il n'y a rien à faire, pas de tuteur, il n'y a rien. Ça fait. Il y en a qui font 2 ou 3 bouquets et puis qui s'arrêtent. Ils ne vont pas plus loin. Donc ça, c'est des plans qu'on a mis au point pour faire les cultures industrielles. C'est-à-dire en grands champs. Les conserves de tomates qu'on a, les romans et tout ça, là, c'est fait comme ça sur des grands champs. Ils vont pas aller s'amuser à mettre des tuteurs. Donc ils ont étudié, ils ont fait des tomates buissons. Donc on met là, et puis ça fait 2-3 bouquets, ça s'étale comme ça, et puis voilà. Mais on peut en profiter aussi. C'est là-dedans, dans les tomates à port déterminé, qu'on trouve les tomates les plus actives, et les plus, en général, les plus résistantes au milieu. Ben, il n'y a pas le temps de... ça pousse vite, très tôt, il n'y a pas le temps d'avoir le milieu, sauf si ça reste un peu plus longtemps. Donc c'est là-dedans qu'on trouve. Et puis il y a tous les autres tomates qu'on connaît avant, qu'on avait, toute la gamme, c'est indéterminé. Ça veut dire, tant qu'il fait bon, il pousse. Donc il y en a même qui poussent jusqu'à 5-6 mètres maintenant. Certains tomates, tant qu'il fait bon, ils poussent. Voilà, c'est ça. Tant tomates cerises, par exemple. Oh, ça revient bien. Bon. Je ne sais pas si j'ai... Si j'ai tout dit. Normalement, en serre froide, quand il n'y a pas d'eau, des pluies d'orage sur les tomates, il n'y a pas mildiou. Donc à l'intérieur. C'était même vrai, parce qu'à un moment donné, dans mes serres, il y avait au milieu les plastiques qui ne se rejoignaient pas bien et il pleuvait au milieu de ma serre, au voisin. Ben, les tomates que j'avais mis là, qui recevaient l'eau en une minute, et pas les autres à côté. Donc c'est bien l'eau sur les feuilles. Et donc, au début, c'est rien. Hein. Mais après, au moment où il fait bon, au moment du mildiou, donc au début, je veux dire, on peut arroser, on peut faire, il n'y a pas de problème. Au moment que le mildiou apparaît, le champignon apparaît, donc c'est quand il commence à faire chaud, hein, chaud, humide, tout ça, là, il faut arrêter de mouiller les feuilles. Donc, il faut arroser dans le bas, et tout ça, puis mouiller les feuilles, ça va. Alors, dehors, ça marche aussi, à condition, donc sinon, l'année passée, ça a été. Mais on a des beaux résultats quand on met juste un toit sur les tomates. Donc, rien autour, mais un toit assez large pour que ça dépasse un peu, pour que la pluie ne vienne pas mouiller les... Hein, et ça marche aussi, dehors. Le reste, on commence à avoir des variétés un peu plus résistantes de tomates, mais il n'y a encore aucune qui est 100% résistante au mildiou. Encore aucune. Les meilleurs résultats sont obtenus quand on fait soi-même ses graines. On s'est aperçu après. Donc, après quelques années, 4, 5 ans, 6 ans, quand on a fait soi-même ses graines, on s'aperçoit que les plants deviennent de plus en plus résistants. Parce que les plants s'habituent, sûrement il y a un phénomène là, le climat, la terre, la plante s'habitue, peut-être aussi des bactéries, mais surtout des champignons. Vous savez, toutes les plantes sont accompagnées des champignons qu'on appelle des mycorhizes. Hein, c'est des champignons un peu spéciaux qui sont avec chaque plante et qui sont un peu le gendarme de chaque plante, qui disent aux plantes ce qu'ils peuvent manger, pas manger, qui font un peu le portier de bazar. Et donc, il y a beaucoup de plantes qui sont mycorhizes. Je sais pas, avant, on a combattu ça. Tous les champignons ont combattu. Maintenant, on s'aperçoit que c'est les mycorhizes, ces champignons qui sont avec toutes les plantes, qui sont les meilleurs défenseurs des plantes. Et quand on utilise même la bouillie bordelaise ou le soufre et tout ça, le danger, c'est qu'on neutralise la défense première. Donc, on neutralise les mycorhizes, ces champignons-là, qui sont la meilleure défense de la plante. Quelquefois ça arrive, mais voilà, il faut savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, ce qui peut aider aussi, c'est poudrer avec des algues marines, aussi bien les pommes de terre que les tomates. Poudrer le feuillage. On sait maintenant que toutes les plantes peuvent aussi absorber la nourriture par le feuillage. Hein, donc la preuve, c'est que la terre n'intervient que pour 3 ou 4% dans la nourriture des plantes. 95%. C'est l'air, hein. 96%, c'est l'air. Hein. Ah ouais. On a souvent oublié ça. Mais c'est important, les 4-5% ou le 3-4% de la terre, si ce n'est pas une bonne base, hein, ça détermine tout le reste. Mais ce n'est qu'une base, et ce n'est que pour 3 ou 4%. Tout le reste, c'est l'environnement. C'est pour ça qu'en plus on est pollué, personne n'échappe à la pollution. Si on a une pollution de l'air, on a beau nous travailler bio, faire tout, la plante prend l'air qu'il y a autour, et donc il y a une certaine pollution, donc elle se nourrit plus ou moins bien, plus ou moins mal. Parce que ben, vous avez un pot comme ça, vous avez ça de terreau, puis vous avez une plante, donc ça pèse, je ne sais pas, quelques grammes, et vous avez toute une plante de bazar, vous tirez 10 kilos de bazar, alors que le terreau et tout, donc c'est tout de suite, on s'aperçoit que la plante nourrit pas du sol, le sol reste pareil, et que c'est l'air qui a fait. Donc, hein, vous avez un pot, vous avez dit que donc c'est l'air en bio. Donc, le poudre. Alors, c'est encore un truc curieux, vraiment curieux, parce que les pommes de terre, les tomates, poussent mieux dans un sol acide. Donc, pas alcalin, pas avec de la chaux. La chaux, c'est leur ennemi. Et pourtant, donc, dans la terre. Quand il y a de la chaux dans la terre, la plante se nourrit. Les solanum, hein, la famille des solanum, les tomates, se nourrit, a beaucoup de difficultés pour se nourrir comme il faut, pour faire la synthèse pour nourrir. Alors que, par les feuilles, là, il n'y a pas de problème. Donc là, la plante aime bien d'avoir un peu de chaud par les feuilles. Mais c'est pour ça qu'il faut, quand vous poudrez, il faut juste poudrer le feuillage, essayer que ça ne tombe pas sur le sol, parce que pour le sol, c'est plutôt néfaste pour ce pomme de terre. Donc c'est des choses comme ça, un peu Il y a des choses curieuses comme ça. Hein, ouais, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc et les arguments. Et piquer la tomate avec un fil de cuivre de l'ancien temps. Ouais. Alors on s'est surtout aperçu que c'est l'électricité statique. Donc c'est pas le fil de cuivre qui passe à travers pour moi. Ça fait de l'oxyde de cuivre, mais c'est tellement ridicule. Mais enfin, oui. Quelquefois, il faut très peu pour le. Mais c'est surtout, quand c'est efficace, c'est quand le fil va au milieu, comment, à travers la tige et que l'autre bout va dans le sol. Parce que ça capte l'électricité statique. Et donc, on a fait à un moment donné l'électroculture. Mais ça veut dire qu'alors, il y a plus de vie, ça augmente la vie. Quand vous mettez un peu 0,1, 0,2 volts dans la terre, ça augmente de beaucoup la vie. Donc la capacité des plantes de s'alimenter est beaucoup est plus grande. La vie. Donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Il y a des gens qui disent, pas, mais si, tous les tuteurs en métal sont très utiles. Hein, cuivre, fer et tout, parce qu'ils prennent un peu d'électricité statique. Et au pied des enfin, de ces barres de fer et de ces trucs, les légumes sont deux fois plus bons qu'un mètre plus loin. Ah oui, on fait même un parapluie. Vous faites, à un moment donné, on a monté ici un parapluie bio, ça veut dire que bon, vous avez une tige de fer ou une tige de cuivre, là, avec comme ça, comme un parapluie, donc il capte l'électricité statique. C'est ridicule. Ça peut paraître ridicule, c'est pas beaucoup. Et donc, ça transmet, donc il y a un fil qui descend là et qui va à la terre. Ah ben, tout autour de ce parapluie, les plantes sont plus grandes autour, et puis à fur et à mesure que ça... que ça va plus loin, ça diminue. Le volume des plantes diminue. Donc c'est que ça a une certaine efficacité. Hein. Ah, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à mettre des tuteurs. À un moment donné, on a dit que ce n'était pas bon. Et tout ça, que c'était mieux des trucs en bois. Pour ça, c'est faux. Il vaut mieux des tuteurs en métal et tout ça. Donc, pour ça, pour l'électricité statique. Pour tirer un coup de foudre. Hein ? Pour tirer un coup de foudre. Ouais. Un coup de foudre dans les plantes géantes, alors. Hein, peut-être. Non, mais c'est de l'ordre de zéro. L'électricité statique, c'est ridicule. C'est pas. Mais ça existe. Bon, voilà. Autant s'en servir, autant savoir, quoi. Quelquefois, on cherche les explications hein, de pourquoi et tout ça. Voilà. Monsieur, l'algue, dans les algues marines, là. Pardon ? Les algues marines, on les trouve où ? Ici, on les trouve. Ici, mais au mois de novembre. On trouve tout ici. Octobre, novembre. Mais c'est une fois par an. C'est les achats groupés qu'on fait au mois d'octobre. Une fois par an. Donc les engrais, les terreaux, les algues marines, ça coûte 7 euros, 8 euros, 7 euros, je ne sais pas, pour 25 kilos. C'est le prix du kilo en pharmacie. Vous payez autant en pharmacie pour 1 kilo, et nous, 25, et c'est les mêmes. Alors, et si vous avez des ennuis avec vos os et vos machins, les algues marines qu'on achète en sac, c'est pareil, c'est juste pareil que ceux qu'on vend en pharmacie. Vous pouvez même rajouter dans votre soupe ou dans votre salade un petit peu d'algues marines pour ça renforce les os. Et ça, mais autant le prendre, le mettre sur les légumes, tout ça. Ou bien j'en ai en permanence moi, dans mon poulailler, dans nos poules, quand on a les œufs. Ben voilà, indirectement. Voilà. Vous donnez à manger aux poules? Oui. Ah oui, il faut toujours un gros bac d'algues marines dans les poules. Ah oui, les poules soignent toutes leurs maladies avec ça. Hein. Ils doivent aller dedans, flotter quand ils sont attaqués, quand ils ont des blessures, ils vont dedans et puis. Ah bon, oui, et puis ils mangent une partie, ah ouais, c'est formidable. Ça. Il n'y a plus de mouches, il n'y a plus de puces, il n'y a plus rien. Alors, hein, vous êtes embêtés. Hein. Il y a des poules, il y a des puces, il y a des trucs, des poules, toutes sortes de. Là, mettez un grand bac avec 25 kilos d'algues dedans et ils vont dedans quand ils ont une blessure, quand ils ont quelque chose. Et puis ils sont magnifiques, hein, ils bouffent. Ouais. Ou bien un peu dans le lot, mais c'est mieux en poudre, hein, laisser là, ouais. Mais ça, c'est un autre problème. Je suis toujours qu'au numéro 2. On peut saupoudrer les tomates à raison de combien? Une fois par mois, de quoi? Une fois par an Avec les algues. Saupoudrer avec les algues marines. Combien? Tous les mois, comme les choux? Tous les mois, oui, à mon avis, oui. C'est en prévention du mildiou, hein, prévention. Des légers poudrages, quand on a mildiou. Hein, quand on, mais généralement, enfin, même si on n'a pas, ça, c'est pas fait tôt. Voilà. Même, voilà. Oui. Des conseils pour le passage entre des tomates, entre la serre chaude et le jardin. Oui. Le passage, la transition. Ah ben, c'est 8 degrés. pour les courges, pour les tomates, pour les aubergines, pour tout, tout ce qui est plante qui vient des pays exotiques. C'est ça. Donc ce n'est pas le maximum de chaleur, c'est le minimum. Tant que la température de la nuit n'a pas dépassé les 8 degrés, ça reste un problème. Parce qu'en dessous, les plantes souffrent, même meurent, en dessous de 8 degrés. Donc c'est ça qui détermine. Voilà. Donc dans une serre froide, on atteint, déjà depuis tout un temps, on atteint ça depuis au moins un mois, la température reste au-dessus de 8 degrés dans une serre froide. Serre froide, ça veut dire une serre qui n'est pas chauffée. Hein. Serre froide. Tandis que ce matin, il faisait petite gelée blanche, il faisait 3-4 degrés, hein. Pas plus, donc. Oui, voilà, bon, on peut risquer, mais alors, on peut mettre dehors avec une protection dehors. Mais c'est ça qui détermine. Donc, ce n'est pas le beau temps de la journée, c'est la nuit qui c'est la nuit. C'est 8. Donc, en dessous de 8, ça souffle ou bien, ou même ça disparaît. Ces plantes aubergines, poivrons, tomates, concombres, courges, tout ça. Voilà, c'est ça le. Mais quelquefois dans le jardin, il y a des coins bien protégés, on peut mettre un voile, on peut. Voilà. Il faut demander, hein, j'ai peut-être pas dit tout sur les tomates. Donc voilà, ouais, non, pas moi. Alors, le cours de taille. Cours de taille, jeudi, il y a trois fois, mais un cours suffit, hein, une fois suffit. Hein. En tout cas, une fois suffit pour l'année. Parce que forcer ne sert à rien. Même si on n'a pas tout compris, on ne va jamais tout comprendre. Heureusement, on a toute l'envie pour tout comprendre. Et quand on sait tout, on disparaît. Donc ça, c'est bien. Hein. On laisse la place pour le système est tout de même bien fait, le système naturel. Hein, bien, dans des légumes. Bon. Donc une fois suffit, si on n'a pas compris tout, ça ne fait rien, il faut y aller. C'est après, alors qu'on... tout doit pourrir dans la tête, comme tout savoir, je trouve. Donc, on reçoit tout plein d'informations. Quand on n'est pas habitué ou pas, ça va, c'est comme les langues, c'est comme n'importe quoi. Puis on laisse pourrir ça, et puis ça revient, et puis voilà, alors c'est comme ça qu'on apprend. Et puis, à un moment donné, ça reste. Hein, on a un ordinateur là qui est extraordinaire, hein, ça ne fait pas travailler. Au plus, on fait travailler les ordinateurs là qu'on a, et au moins celui-là, il travaille. Ah oui, on fait attention, hein, ouais. On perd la mémoire, on perd tout quand on... Hein, quand on sait que là, la mémoire est emmagasinée, mais le vrai savoir, c'est quand même le savoir intellectuel et pratique, c'est quand même... Ouais. Parce que, ouais, voilà, il y a bien des livres qui enseignent le judo, hein, par les livres, mais c'est quand même pas la même chose que là, le judo sur place. Hein. Hein, enseigner le judo par correspondance, c'est quand même un peu difficile. Et il y a des tas de choses comme ça par correspondance. Bah, c'est utile, on a peut-être une vue comme ça, mais il faut le faire comme dans tout, hein, dans tous les métiers. Hein, voilà. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils savent tout parce qu'ils sortent de l'école à 25 ans, donc, la tête bourrée de bonheur. Il y a des ingénieurs à l'homme, ils ne savent pas faire pousser une salade hein, quand ils sortent des écoles. Donc, il faut le savoir, hein, ça doit passer la tête et pas les mains, hein, toujours. Il n'y a pas de miracle, là, c'est les deux. Hein. J'allais dire une connerie, mais. Bah, cours de taille, donc jeudi. Comment je dis ? Ah, j'ai pas mis le compte. Donc jeudi. Jeudi 29 mai, jeudi 5 juin et jeudi 12 juin. Il ne faut pas s'inscrire, ben, on vient comme ça. Là, de 17h à 19h. Donc jeudi de 17h à 19h ici dans le local. Alors, les portes ouvertes. Rapidement, ça juste pour communiquer pour les gens. Les portes ouvertes de la ville de Mouclon, donc de la ville, tous les jardins. Vous savez, il y a 16 jardins communautaires différents, différentes formes à Mouclon. 16 jardins communautaires, hein, de différentes sortes. Hein. Et donc, on ouvre aussi ce jour-là. Ils ont demandé pour donc on ouvre tout. C'est le 24 août, de 9h à 17h. Et nous, nos journées portes ouvertes, à nous, c'est le 31 août. Donc, portes ouvertes avec guide. Les autres, c'est sans guide. Hein. Il faut y aller avec le plan et tout ça. Et voilà, là, ça, c'est... Mais celui qui n'est pas trop malin, il vaut plutôt une visite guidée. Hein. Donc, voilà. Il n'y a pas de honte. Hein. On apprend beaucoup plus avec une visite guidée. Ceux qui se portent plus malin, comme ça va. Mais bon. Il faut donc c'est 31 août. Et à Albeck, c'est le 7 septembre. De 14h à 17h. Donc, je parle des portes ouvertes, hein, donc je visite du jardin. Mais la fête des jardiniers, alors là, ça c'est beaucoup plus sérieux. La fête des jardiniers à Albeck, c'est le dimanche 3 août, à partir de 14h. Mais je vais en parler encore. Je vais en parler encore les autres jours. Donc, bloquez cette date-là, le 3 août, à partir de 14h, Arbec, fête des jardiniers. Arbec, c'est à 5 km d'ici, jardin communautaire, on est à 7 familles, 6500 mètres carrés, en permaculture et tout, un cadre magnifique, formidable. Et là, on fait la fête. On fait la fête, ça veut dire, on boit, on mange. Si les gens ramènent à boire et à manger. Voilà. C'est le principe de l'auberge espagnole. On trouve ce que chacun ramène. Mais jusque maintenant, c'est formidable. Chacun ramène, fait goûter aux autres. Et puis, il y a des animations tout plein, hein, de la musique, des chants, et puis le souper du soir. Et voilà. Donc, c'est une fête formidable. Ça vaut la peine de venir. Et aussi pour voir, pour le calme, pour venir. Voilà. C'est pour tout le monde. Alors, la prochaine conférence débat, c'est le vendredi 23 mai. Alors, c'est sur quoi? Oui, je ne sais plus. Conserver et confiture et tout. Donc, ça. Donc, pour confiture, vendredi 23 mai de 17h30 à 19h. Donc, c'est ici. 23 mai. Faire son pain. Ah, voilà. Ah, bon. Ah, faire son pain, soit à la levure, le levain. Alors, les fleurs qu'on peut manger, faire du sureau, faire soi-même ses boissons. Le principe des conférences débat, c'est être de plus en plus autonome. Donc, c'est faire le plus possible soi-même. La dernière, c'était. C'était d'ailleurs formidable, ça a eu beaucoup de succès. C'était trop court, tous les gens ont dit que c'était trop court. C'était comment faire ses produits d'entretien et tout ça, soi-même, hein, à partir de très bon marché, presque rien, et très efficace. Mais on va refaire ça, parce que c'était un peu trop court. Les gens ont dit qu'il y avait tellement de matière, mais on va remettre ça à l'ordre du jour. Voilà. Je pense que c'est des petits trucs, mais ça vaut la peine. Hein. Voilà. Alors, la prochaine soirée festive... j'ai une mauvaise date, c'était le samedi 18 octobre, mais ce n'est pas possible le 18 octobre. On espère le 25. C'est musique latino. Donc c'est un groupe de musique latino. Le dernier qu'on a eu, c'était il y a un mois, c'était la musique irlandaise. C'était formidable. Hein, un groupe de musique irlandaise, c'était. Oh, du tonnerre de Dieu. Alors. Voilà. Mais on avait averti, on avait surveillé celui qui jouait dans la cornemuse, on l'a un peu muselé, comme ça a été. La musique est agressive, hein, c'est, mais ça a été. Ah ouais, les murs ont résonné, ils ont résisté, oui. Il est venu un peu à l'avance, et c'est un groupe français, on l'a mis à côté des caisses de bière bio. Il en a bu quelques-uns et après sa cornemuse a été très vraiment. On il n'avait plus assez de souffle pour le bon et donc ça a été fait. Mais ils ont vidé les bacs, hein. Est-ce que quelqu'un veut donner une information? Moi j'ai fini au niveau des infos. C'est le moment. Hein. Ou quelque chose quelque part pour informer, pour. Ouais. Je sens qu'il est beau. Mais il n'y a presque plus. Hein. Ah, il y a encore un. Ouais, tantôt, il n'y avait presque plus rien. Mais il y a encore des petits godets. Il y a un sac tout plein rempli de godets, donc c'est gratuit pour le service. Et il y avait des sacs très costauds, mais je pense qu'il n'y en a plus. Ah, oui, j'avais dit celui qui faisait ses en sortant, on peut le servir. Ouais. Et toi? Pour tes. Ah non, après. Ah oui. Et les fleurs, c'est... Ah oui, voilà, alors, moi j'ai oublié, il y a ces fois-là, j'ai oublié. Là. Ah ouais, le... Donc une fois par mois, il y a le groupe des fleurs, là, qui c'est quand le prochain, donc c'est... C'est vendredi en 8, hein, donc... C'est toujours le troisième... Le vendredi qui suit le deuxième dimanche. Oui, voilà, c'est le troisième vendredi. À quelle heure? C'est à 18h? 18h, 19h30. 18h à 19h30, sur les fleurs, tout ce qui est ornemental et tout ça, voilà, c'est ça. Alors, semis. On est parti dans les semis, là. Voilà, là, ça fait dur. Alors, urgent. Il y a toujours une rubrique urgent pour commencer, pour ceux qui ne savaient pas, qui n'ont pas eu le temps, pour les nouveaux, pour tout ça. Là. Alors, urgent. Je parle des semis. Donc, les plantations, ça c'est fini, il n'y a plus rien. Mais les semis. Échalotes. Donc, il y a une échalote qui sème. Ah oui. Échalote de Jersey. Échalote de Jersey. Donc, il y a, donc, c'est moitié échalote, moitié oignon. Donc, c'est dans les semis urgents. Donc, celui qui veut, donc. Échalotes. Tous les oignons de semis, je parle plus des machins, donc oignons de semis. La cébette. La cébette, c'est un oignon qui pousse comme un poireau, à la façon d'un poireau. Donc, donc ça s'appelle la cébette. Oignon poireau. La cébette peut être vivace. Très intéressant. Donc d'année en année, donc c'est vraiment. Donc c'est. Les ciboulettes. Les ciboulettes et les ciboules. Donc, urgent. Sauf Donc, urgent pour cette année. Tu en veux des ciboulettes et des ciboules. Donc, ciboule, c'est l'oignon perpétuel, qu'on appelle. Hein. Si on veut encore en manger cette année. Sinon, alors, le meilleur moment, toujours, c'est au mois d'août. Si on sème au mois d'août, là, c'est formidable, tout se lève, mais c'est pour l'année d'après. On a ça tout l'année d'après. Mais si on veut encore cette année qu'on n'a pas, là, c'est urgent. Donc, les ciboulettes et la ciboule. Il y a là-dedans, dans les ciboulettes, il y en a des nouvelles, enfin des nouvelles. Nous, ça fait déjà longtemps, mais les ciboulettes chinoises à tige plate, hein, c'est formidable. Hein. Comme goût, on a ça toute l'année, contrairement à nos ciboulettes à nous. Nos ciboulettes à nous, c'est peut-être un peu plus beau. C'est rond, avec après une fleur violette, mauve, là, hein, qui vient et tout ça, mais on a un certain temps. Tandis que les ciboulettes chinoises, toute l'année, hein, même l'hiver et tout, elle est là. Hein. Et bon, il y en a une qui a le goût d'ail et l'autre le goût de poireau. Donc il y a deux différentes, hein, le goût d'ail, l'autre le goût du poireau. Mais c'est vraiment en place, c'est une vraie vivace des années, ça vaut la peine. Celui qui ne connaît pas la ciboulette chinoise, hein, ouais, vraiment formidable. En pleine terre ? En pleine terre, oui, oui. C'est celle-là ? Il y a deux sortes, hein. Il y en a une qui a un goût de poireau, il y en a une goût de, ouais, à l'ail et puis un goût de poireau. Ouais. Il y en a deux différentes. Ça vaut. Mais on peut faire aussi en bac et le piquer, mais on peut aussi faire tout ça en plein terre directement si on a de la place. Hein. Sinon, en pot et puis aller repiquer. Hein. Oui, ouais, ça aussi, hein. Pas de problème. Alors, ensuite, toujours dans le semi-urgent. Il faut m'arrêter alors s'il y a des explications entre deux, hein. Ouais, si c'est pas clair. Les choux paumés et de Bruxelles. Urgent. Hein. Donc, aussi bien dans les rouges, les verts, les blancs. Donc, tous les choux à paumer, urgent. Hein. Et les choux de Bruxelles aussi, urgent le semis. Hein. Donc, soit en pot ou en plein terre, hein, directement. Mais, on dit en plein terre, en pépinière, mais en plein terre, quoi. Une ligne, et puis après, on va le piquer après. Hein. Urgent. Hein. Les poireaux. Donc, tous les poireaux, urgent. Hein. Urgent. Hein. Semis de poireaux, urgent. Les petits pois. Aussi urgent. Donc, on peut encore faire des petits pois. À condition, donc encore maintenant, à condition qu'on prévoie une couverture. C'est-à-dire une couverture, un voile de forçage ou n'importe quoi au moment de la floraison. Donc, les petits pois n'ont pas besoin d'être hybridés extérieurement. Ils n'ont pas besoin des petites babettes et des grosses babettes pour être pollinisés. Donc, c'est un circuit intérieur. C'est pour ça qu'on peut les protéger. Alors, vous allez dire, pourquoi les protéger? Parce que si on ne les protège pas, on a, enfin, ça peut être bon pour les écologistes, on a un aliment complet. Hein, dans chaque petit pois, il y a un verre, donc on a les protéines et les vitamines en même temps. Hein, mais ça, c'est culturel, alors le problème. Donc, mais pour l'éviter, donc, ça, on est sûr. Si on sème tard comme maintenant, les petits pois, on est sûr. On arrive au moment de la floraison où il y a le papillon qui va pondre dans chaque petit pois, il va avoir un verre. Donc, on peut mettre alors un voile de forçage. Les petits pois n'aiment pas du tout les chaleurs, hein, les fortes chaleurs, c'est pour ça. Les meilleurs résultats sont ceux qui sont mis tôt. Mais il y a encore moyen maintenant, et surtout, pour les variétés, ça vaut la peine, pour les variétés mangent tout, ils sont mieux. Donc les pois mangent tout, sont mieux quand la terre est un peu plus réchauffée, un peu plus tard, et aussi les pois super sucrés américains. Donc il y a des rubriques, il y a une rubrique pois super sucrés, et c'est vraiment super sucré. Hein. Aussi bien on mange tout, ça mange tout, ça veut dire qu'on mange avec la gousse et tout, mais aussi bien alors les petits pois après, donc les super, comme un super sucré pois américain, on peut les manger comme on mange tout, mais on peut les manger après les pois. Et c'est vraiment très sucré. Hein. Là, c'est pas de la blague. Je veux dire, pour les gens qui aiment bien ça, c'est vraiment une vraie amélioration. Hein, une vraie amélioration qui nous vient des USA, c'est pas courant, hein, donc il faut en profiter. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. D'habitude, c'est plutôt les fusées et les ogives nucléaires, mais là, les petits pois. Bon, ça change, hein, ça. Ouais, ouais. C'est ce qui était dans la fusée. Donc là, pour ça, donc, il faut demander, hein, si c'est pas clair. Donc, pour les petits pois, comme ils n'aiment pas les fortes chaleurs, il faut essayer de trouver un endroit mi-ombre et humide. Donc, mi-ombre et que l'humidité reste là pour les semis de maintenant. Mais ça marche encore. Alors, les petits pois, là, la profondeur des semis, je vais dire, c'est 3 cm, on pourrait dire. Donc, contrairement aux autres semis, il faut faire très attention. Les semis ordinaires de légumes, de toutes sortes, de carottes, de tout ça, poireaux, tout ça, normalement, le mieux tout, c'est 0,5 cm. Pas plus, hein. Maximum 1 cm. Hein. Sauf pour les haricots et les petits pois, là, je vais dire 3-4 cm, ça va. Mais les autres, c'est ça, hein, attention. la plupart des échecs, c'est ça, hein, c'est les semis trop profonds. Hein. Donc, c'est à fleur de terre, juste que la graine est couverte, à demi centimètre, c'est bon. Ouais. Monsieur, j'ai une question débutante, on se moque pas. Non, non, mais c'est vraiment. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire tremper des graines quand elles sont grosses ou pas? En faire tremper, non. Il n'y a plus d'intérêt. En mettre au congélateur, oui. Oui, quand elles tombent. Ah, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ouais. Parce que tremper. Même les grosses graines. Ah, ouais, surtout, oui, oui. Parce que vous êtes sûr, ouais. Vous êtes sûr si votre terre est encore froide, que c'est pas bon, vous mettez. Et donc, les graines germent deux, trois fois plus vite. Et donc, ils n'ont pas trop pourri dans le sol. Par exemple, ouais. Donc, ça peut se faire pour les choses tôt ou tard. Quand on a du retard, pour rattraper un peu le retard, ou bien très tôt, par exemple, si on met des petits pois très tôt, au niveau de la température, ils n'ont pas peur, même s'il y a des gels encore. Mais si vous mettez dans une terre froide, ils pourrissent. Au lieu de germer, ils pourrissent. Tandis que si vous mettez au congélateur 24 heures ou 48 heures, ils germent sur 3-4 jours, ils n'ont pas le temps de pourrir. Donc ça peut être très intéressant. Ouais, mais dans l'eau, pas. Ouais, dans l'eau, ça nécessite beaucoup de boulot pour lui. Ouais. Ça peut encore. Hein, mais j'ai déjà dit, hein, l'eau tiède, hein, 20 degrés, l'eau tiède, hein, 20-25 degrés. Ça veut dire que vous devez rester à côté de votre casserole, 48 heures, hein, pour mettre l'eau à 25 degrés. Hein. Ouais, hein, bah, faut souffler dessus quand c'est trop chaud. Et puis sur la casserole. C'est difficile, hein. Donc c'est beaucoup plus facile. Ouais, surtout qu'on peut, au congélateur, on met les paquets tels quels, il n'y a pas... Donc, congélateur, donc c'est moins 18, hein. Tels quels, et on les retire, et donc il n'y a pas... Ça reste bien... Ouais. Non. Donc, poireau, j'ai dit, donc petit pois. C'est petit pois et haricots, ça, le congélateur? Ah non, oui. Non, pour le congélateur? Oui, ah oui, tous les légumes, tous les plantes, oui, les haricots aussi. Même les fèves, même les. Alors, l'escourcenaire, toujours dans les semis urgents. Hein. L'escourcenaire. Ah, elle va réveiller. Les scorcenaires et les salsifis, alors là il y a quelle différence? Il y a une grande différence, c'est pas du tout la même famille, c'est pas rien à voir. Alors, les scorcenaires, c'est un gros bidule noir avec une peau noire, un long, vivace, c'est-à-dire que ça peut rester sur le terrain un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais souvent, la première année, la plupart des terrains ne sont pas assez riches pour faire une racine valable la première année. Mais c'est rien pour les amphibies, vous laissez, et puis après, deuxième ou la troisième année, la racine continue de grossir, sauf au moment où elle monte en graines. Donc si vous voulez alors, si vous voulez pas de graines, si vous voulez des machins, vous coupez, vous ne laissez pas grainer, mais ça ne fait rien. Même si vous laissez, après, ça va repartir. Et donc ça, c'est très intéressant. Les productions et tout, c'est très, très riche, très intéressant. Et le salsifis, là, c'est... ça fait toujours des racines fourchues comme ça, et les racines ont un petit goût d'huître comme ça. Mais c'est pas très productif, et c'est un peu spécial. Je ne vais pas dénigrer aucun légume, tout est bon, tout y sert, mais c'est pas du tout la même chose. Et ceux qu'on voit sous le nom de salsifis, c'est pas des salsifis, c'est des scorcenaires. Hein, dans les boîtes aussi, ceux qu'on vend, c'est pas des salsifis, jamais, c'est des scorcenaires. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très riche, très... Voilà. Tandis que l'autre, c'est plutôt pour s'amuser, si on veut. Bah, on peut s'amuser, hein, il faut s'amuser avec beaucoup de choses. Ça a des goûts différents, en fait, mais c'est pas... Et c'est annuel. Les salsifis, c'est pas annuel, c'est bisannuel. Bisannuel. Donc, le bon moment, maintenant, pour... si on veut encore avoir cette année. Mais sinon, le meilleur moyen, pour les scorcenaires, c'est juillet-août. Pour avoir à partir de l'année d'après. Là, souvent, sur un an et demi, on a des racines bien valables, bien... Donc, semis directement en place. Hein. C'est des petits bâtonnets, comme ça, les semences, c'est des petits bâtonnets. À mettre un centimètre de profond, c'est tout. Et donc, on les met, pour ne pas devoir démarrer, on les met l'un à côté de l'autre, venir tous les 5 centimètres, comme ça, un petit bâtonnet, voilà. Faut demander, quand je dis pas, faut demander, hein, quand on ne sait pas la profondeur du semis ou le bâtonnet. Et pour le... Pour la distance, je ne donne jamais les distances entre les lignes, parce que normalement, on ne met jamais deux lignes d'une même chose, l'une à côté de l'autre. Hein. Donc, il faut toujours faire des lignes, n'est-ce pas, une ligne si vous voulez, une ligne là, puis une autre ligne plus loin, puis entre deux, il y a des autres trucs. Hein. Donc, je ne donne jamais ça, parce que c'est pas idéal, il faut pas faire. Hein, donc il faut toujours un mètre de distance. Hein. Par exemple, pour ceux qui se protègent très bien, c'est oignons, échalotes et tout ça, avec entre deux les carottes, scorcenaire, et c'est ça, ouais. Et chicot, et huitlof. Voilà, voilà trois, quatre trucs. Donc, entre les lignes, quand vous avez une place comme ça, chaque fois entre les lignes que vous avez mis des oignons ou des échalotes, hein, une fois les carottes, et puis une fois les scorcenaires, puis une fois les chicorées, voilà, et puis recommencer comme ça. Donc ça se protège bien, par exemple. Voilà un exemple de choses qui vont très très bien ensemble. Et puis entre deux, peut venir encore autre chose, hein. Il n'y a pas seulement ça. Par exemple, après, si vous avez des choux de Bruxelles, peuvent venir entre deux, ça ne gêne pas, hein. Quand c'est le moment de repiquer, vous repiquez entre les chicots, ou entre les carottes, ou entre les machins, parce que le choux de Bruxelles va pousser en l'air, vous mettez tous les 60 ou 80, ça ne gêne pas du tout les carottes ou les autres choses qui sont à côté. Hein. Et eux, ils vont avoir toute la place quand on récolte les autres choses. Hein. Donc voilà, il faut toujours. Sur le même terrain, on peut faire beaucoup et ça se protège, tout se protège l'un l'autre. Hein. Là, alors, voilà ce que c'est, ça suffit. Et alors, les persils. Pour avoir du persil cette année, urgence, c'est toujours dans les urgences. Hein. Alors, persil à semer à l'intérieur, pas nécessairement à l'intérieur, mais pas directement en plein terre. Directement en plein terre, ils sont attaqués par des champignons, par des mouches qui viennent, la mouche de l'oignon, de la carotte et tout. Ouais. Mais, donc vous mettez en pot, en grand godet, pas nécessairement à l'intérieur, même dehors, en godet, faites pousser là, et puis allez repiquer, par un ou deux ou trois petites brochures, là, hein. Et alors là, vous avez des bouquets magnifiques, et qui ne sont plus attaqués. Une fois que le persil repiqué n'est plus attaqué. Et ça peut faire le persil repiqué, fait un seul brin, donc on appelle ça brin, B-R-I-N, un seul brin, peut faire des trucs de 30 sur 30, comme ça. Donc il ne faut pas mettre trop serré. Après, quand vous repiquez, vous allez voir, vous êtes surpris que. Alors, ce n'est pas le meilleur moment. C'est le meilleur moment, maintenant c'est urgent, pour encore avoir cette année, celui qui n'en a pas. Mais le meilleur moment, c'est en mois d'août, semer au mois d'août, pour en avoir toute l'année qui suit. Là, c'est le meilleur moment de semer le persil. En plein terre, là. Non, c'est toujours pareil. Non, ouais, c'est toujours pareil. Mais pour en avoir encore cette année, là c'est mieux. Voilà. Encore, voilà, je rappelle les semis urgents. Échalotes, oignons, cévettes, ciboulettes, ciboules, choux paumés et de Bruxelles, poireaux, petits pois, scorcenaires, salsifis, persil. Il y a l'aide mémoire sur la table là-bas, hein, pour celui qui n'a pas l'aide mémoire de mai-juin. Là-bas, hein. Alors maintenant. Je peux demander quelque chose? Oui. Ma ciboule ne lève jamais, comment ça se fait? Ah bon? Elle ne veut pas lever. T'as mis au congèle? Pardon? Vous l'avez mis au congèle? Non. Je voudrais essayer. Oui. Mettre au congèle. Oui, il n'y a pas de raison. Moi j'ai ça aussi. Ah bon? Ça lève pas, hein? Un paquet, j'ai eu une semence qui a poussé. Elle est toujours là, depuis 3 ans. J'ai l'impression que c'est pas. Il n'y a pas de raison. C'est la même famille que les oignons, que les poireaux, que tout ça. Je sais pas. Mais les semences sont plus valables après 3 ans. Mais ils sont renouvelés tous les ans. Donc là. Donc, c'est sûrement pas ça. Ouais. Donc, j'ai vérifié la germination des graines dans de l'eau. Là, elle est impeccable. Et donc, j'en ai profité pour essayer de mettre ces petits moulins dans la terre. Et c'est mort tout de suite. Ah bon. Il n'y a plus que l'eau bénite, alors. Pour, il n'y a plus de solution. Là, voilà, plus l'eau bénite. Ah, je sais pas. Quand on dit de mettre dans les bacs, elle est juste sachée. Congèle, moi, 18. Le vrai congèle. Mais les soins, c'est congèle. Est-ce que tu as besoin pour congèle? Non, bah, je sais pas, moi j'ai pas eu de problème. Mais c'est en plein terre. Vous avez essayé en godet? Oui, en godet. C'est la langue, je fais. Ah, mais c'est ça. Quand je les vois tous les jours, et elle me donne. Bah, j'ai pas de solution. Je sais pas. Conditions de température et de lumière. Hein? Il y a des conditions de température, humidité et lumière qui doivent être respectées pour qu'elle démarre. Je sais pas. Bon, comme je ne sais pas, on va passer vite à autre chose. Il vaut mieux pas induire les gens en erreur. Hein. Non, oui, bah non. Je vois pas pourquoi. Bon, alors, les semis de fin de mois, de fin du mois, mais très important. C'est pour ça, après, on va les semis du mois, mais les semis de fin du mois, à ne pas oublier, parce que c'est maintenant qu'il faut porter graines pour fin du mois, mais pas avant, fin du mois ou début du mois prochain, mais plutôt fin du mois ici. Les carottes pour la conservation en hiver. Donc c'est pour tous les carottes qu'on veut conserver, ou bien conserver sur place, ou bien retirer. Pas avant fin mai, juin, début juin. Mais vraiment fin mai, c'est la meilleure période. Si on sème plus tôt, les carottes, si tout se passe bien, les carottes grossissent trop fort et ils éclatent. Donc c'est pour ça. Donc il faut attendre le fin mai pour les carottes de conservation. Donc les carottes pour l'hiver, fin mai. Les chicorées vitlof, c'est la même chose. Donc il faut attendre, là c'est un autre problème, il faut attendre que la terre soit suffisamment réchauffée. Sinon on n'a pas de bonnes chicorées pour faire des vitlof, pour faire des chicons. Les endives, on dit en France. Donc ça aussi, donc, c'est fin mai, début juin, pas avant. Donc c'est pas la même raison que pour les carottes, mais là la terre doit être bien réchauffée. Sinon, si on met trop tôt, bien souvent on doit recommencer le semis, il ne va pas. Et ça ne sert à rien. En ce moment, fin mai, c'est impeccable, les racines sont belles, parce que les racines ne doivent pas être non plus trop grosses, trop énormes. Ça ne sert à rien. On a déjà fait les chicons là, avec des grosses ou des moyennes. Les grosses ne donnent pas plus que les moyennes. Les chicons, pareil. Les petites donnent des plus petites. Mais je dis, à partir d'un, quand on a une racine moyenne, c'est ça qui donne. Donc, plus gros, ça ne sert à rien, on n'a pas des plus gros chicons. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des plus grosses racines. Donc, en tant que fin mai, des bonnes conditions de culture. Et alors, les choux brocolis d'hiver. Ah, donc, choux brocolis d'hiver. Pour celui qui a fait ça, j'avais déjà dit, tous les ans, je dis c'est ça. Un genre de chou-fleur. Donc, c'est maintenant qu'on va commencer à manger les choux-fleurs, maintenant, là. Ah, oui, donc, les choux-fleurs, donc en pleine terre. Hein, donc, mais il faut semer, donc, fin mai, début juin, pas plus tard. Parce que, j'ai déjà essayé. C'est extraordinaire. Moi, je croyais plus malin. Alors, je dis pourquoi. Ah ouais. Donc, pourquoi faire ça? Parce qu'il faut le piquer une fois ou deux fois avant l'hiver, en pleine terre, et puis ça passe l'hiver, donc en plein champ, et puis on a les chou-fleurs comme maintenant. J'ai déjà eu des chou-fleurs comme la table, un mètre carré, des trucs énormes. Ouais. Délicieux, c'est des brocolis, c'est formidable. Alors j'ai pensé être malin, mais je vais semer plus tard pour ne pas devoir faire tout le piquage. Pourquoi mettre plus tôt? Ouais, mais quand on met plus tôt, il faut attendre un an de plus pour avoir le chou-fleur. Hein. Et en attendant, j'avais vu ces chou-fleurs. Oh, je dis, ça va être extraordinaire, hein, quand j'avais fait l'expérience. Là. Ça poussait en feuille, c'était incroyable. Chaque chou-fleur occupait plus qu'un mètre carré. Et il n'y a jamais vu de chou-fleur dedans. Hein. Jamais. J'ai eu chou-fleur l'année d'après. Hein. Ah ouais. Donc ça doit être absolument semé fin mai, juin, pour avoir le chou-fleur l'année d'après. Si vous mettez plus tard, vous avez le chou-fleur à moins. Mais c'est pas perdu, vous pouvez faire plus tard, parce que les feuilles sont bonnes à manger aussi. Oui, mais ça prend de la place. Ah ouais, attends. Les feuilles, et celui qui a des animaux, hein, des poules, des lapins, et tout, c'est bon. Mais je veux dire, mais le chou-fleur est absolument délicieux. Ah, les gens qui ne savent pas digérer un chou-fleur, parce que c'est lourd, là, il n'y a pas de problème. Hein. Chou-fleur, brocoli blanc d'hiver, même cru ou cuit, légèrement cuit, c'est vraiment bon. Hein, ça vaut la peine. Donc voilà. Voilà trois touches. Donc semis de fin du mois. Oui. Oui, celui-là, oui. Ah. Il y a du monde jusque là-bas. C'est les chou-fleurs brocolis d'hiver. Attends, je l'ai lu. Oui, c'est là, oui. Dehors, hein, oui. Dans le catalogue. Ah, ça, c'est chacun choisi. Mais en général, j'ai déjà vu qu'il n'y a pas. Ça dépend plus du temps que la variété, oui. Quelquefois, quand il fait mauvais, ils traînent tous les deux. Ils font, il n'y a pas beaucoup de différence. Encore des questions? Mais on peut peut-être. Monsieur, laissez la porte un peu. Laissez ouvrir un petit peu, parce que ça va être ici. Je vais perdre tout plein de jardiniers ici. Oh, il fait bon, hein. À moins que ça gêne les gens, hein. Bon, un peu d'air, là. Ouais. Donc, vous avez noté? Donc, semis de fin du mois. Les carottes. Donc, les carottes, ça peut être aussi bien des demi-longues que des longues. Hein. Il n'y a pas de problème pour les longues, je dis tout de suite. Il n'y a plus de problème. Hein. Avant, quand on. on mettait de demi-longues parce qu'il n'y avait pas de queue. Le queue était... et les longues, on disait, il y a toujours la queue nulle. Plus maintenant. Hein. Je dirais même plutôt, c'est le contraire. On a tellement amélioré les variétés longues qu'il n'y a plus de queue du tout. C'est absolument délicieux. Il y a des carottes, normalement, en terre argileuse, en terre lourde, les carottes arrivent jusqu'au kilo. Alors c'est vraiment une blague de dire que les carottes, c'est la terre sablonneuse ou les terres légères. Hein. C'est tout à fait faux. Hein. C'est dans les terres lourdes et argileuses qu'on a les plus belles carottes et les meilleures carottes. Hein. Jusqu'à... Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est tout à fait faux hein, de croire que c'est les carottes. Quand on a des carottes minuscules dans des terres sablonneuses. Hein. C'est... Ouais, hein. Donc c'est dans les bonnes terres riches qu'on a les belles carottes. Hein. Et il y a des carottes de toutes les couleurs. Hein. De toutes les couleurs. L'origine des carottes n'est pas rouge. Hein. Ça, c'est une invention. Hein. À l'origine, les carottes sont plutôt blanc ou orange ou tout ça. Il y a noir. Il y a de toutes les couleurs hein, dans les carottes. On le trouve maintenant. Hein. Même les anciennes variétés d'ici, du coin, hein, de Tilke, de machin, du Nord et tout ça, ça donne des carottes de 1 kg. Hein, formidable, long, magnifique, délicieuse. Hein. Voilà. Ouais, non, pas. Non, allez. Alors, les semis du mois. Ouais, un petit coup de sonnette pour le... Les semis du mois. Ah, on va commencer par le roi, les semis du mois, les haricots. Donc, les haricots. Nains ou aram. Donc, aram, au pied des arbres, ça va, au pied de n'importe quoi. Au grillage. Grillage, n'importe où. Du moment qu'ils savent grimper. Alors, on a le meilleur haricot du monde. Meilleur haricot du monde, c'est le orteil de prêcheur. Ne passez pas à côté de ça, c'est un vrai délice. Donc c'est des haricots à manger, la graine. Hein. Donc c'est le plus gros haricot du monde, c'est comme une petite prune, vraiment énorme, mais c'est délicieux, un vrai délice. Vous voyez, on mangerait ça comme dessert, vraiment un vrai délice. Donc ça, c'est un haricot qui monte minimum 3 mètres. Il monte jusqu'à 5-6 mètres. Mais ça ne fait rien. Si vous avez un truc 3-4 mètres, après, il va retomber. Il va faire, enfin, faites-le. Avec des grosses gousses. Hein. Entre 40 et 60 cm de gousses. Hein. La gousse avec des gros haricots dedans. Hein. Mais c'est vraiment... C'est les plus tendres, c'est les meilleurs haricots du monde. C'est vraiment quelque chose de formidable. Alors, il a manqué de disparaître. D'accord. Quand nous, on a commencé, qu'on a su ça, il n'y avait plus moyen commercialement d'avoir ça. Donc, c'est par des petits machins qui ont sauvé. Donc, on commençait à reproduire nous-mêmes. Tout à coup, les Hollandais ont remis ça sur le marché. Hein, vu que ça marchait, à partir du moment où on a refait les jardins, enfin, l'écologie, tout ça, bon, on a redémarré. Et donc, je vais poser une question. Oui. Si vous mettez vos haricots d'un arbre, il faut quand même mettre des tuteurs autour de l'arbre ou bien... Ah non. Hein. Ah non, il va servir de l'arbre comme tuteur. Ah ouais, non. Ah non, ça ne va pas grimper dans les branches. Dans les... Ah, non. Mais il faut qu'il y ait des branches en bas. Ah, ou non, peut-être qu'au départ, lié à, oui, moi je au tronc, lié à une ficelle, qui atteint les branchages du paquet dedans, il va, ouais. Alors, c'est un haricot qu'on peut laisser toute l'année. Enfin, toute l'année. Donc, c'est le seul haricot vivant au monde. C'est une mutation qu'on a eue en Belgique, à Jean Blou. C'est une mutation des haricots d'Espagne. Donc, tout le monde connaît les haricots d'Espagne, grimpant, hein, leurs fleurs et tout ça. C'est une mutation de ça. Et donc, quand l'hiver n'est pas trop dur, ça fait des grosses racines et le haricot est reparti du pied. Donc c'est seul au monde le haricot. Comme ça. Alors, on peut manger, je veux dire, il ne faut pas l'enlever l'hiver et tout, il ne faut pas rentrer. On peut laisser, j'en ai encore qui pendent là maintenant. Hein, donc, sa peau, ça ne craint rien du tout, c'est même le meilleur moyen de conserver, c'est le laisser là. Donc les gousses vont sécher sur place, vont rester sur place, et vous pouvez aller tout l'hiver tirer à fur et à mesure des besoins. Donc c'est Ouais, il n'y a rien de plus facile, c'est comme ça. Donc ça ne gèle pas, ça rien, c'est formidable. La plante, bien sûr, elle est gelée, elle est arrêtée, elle a mot, hein, pas, voilà. Et donc, voilà, ça pend et vous allez manger. Donc, voilà. Donc c'est pas un mange-tout, hein. C'est pour manger le grain. Mais c'est vraiment recommandé, pas, hein, vraiment, celui qui aime bien, c'est beaucoup meilleur que n'importe quel autre haricot, même que les tarbés ou que les autres, là, ah ouais, vraiment, c'est quelque chose de bon. Ouais, et donc, on peut déjà semer les haricots maintenant, il faut attendre la Non, c'est maintenant. Donc les haricots, Oui. Est-ce qu'on a intérêt à les mettre en godet ou bien qu'il ah, ah, ouais, bon, temps. Moi j'aime bien, je préfère les mettre en godet. Ouais. Parce qu'alors avec les godets, je peux les mettre, je peux attendre encore un peu qu'ils fassent bon pour les mettre dehors. Donc voilà, c'est ça. C'est un avantage qu'ils poussent bien à l'intérieur et puis on attend pour qu'il n'y ait plus de gel, plus rien. Et donc après on les repique et puis c'est parti. Ouais. Donc on peut faire les deux. Mais si on les met, comme tous les haricots, donc si on les met, je veux dire, on peut commencer maintenant à partir à plein terre, mais c'est tout juste. Hein. La terre est encore froide, il faut encore des gelées blanches. Donc, tous les haricots peuvent démarrer en godet. Donc, on met un godet, 4-5 haricots dans un godet, donc à l'intérieur. Le tout, c'est qu'ils soient bien éclairés dans une chaîne, dans n'importe quoi, un véranda. 4-5 haricots qu'on laisse pousser, et puis on dépote. Mais on ne peut pas mettre la racine nue. Donc, on dépote, on met le godet, tirer du godet et les mettre tel quel. Donc les 4-5 ensemble, pas les séparer. 4-5 ensemble, le couvrir, et puis c'est démarré. Si on fait ça avec les nains, par exemple, on gagne un mois et demi, hein, quand on a des mange-tout, des haricots mange-tout verts, un mois et demi avant, plutôt que d'aller sur place. Parce que si on va sur place, comme maintenant, c'est tout juste, et même c'est un peu tôt. Hein, vu qu'il, enfin, c'était bien parti, mais il y a des gelées blanches, il prévoit pour les jours qui viennent là, un peu. Donc, il faut qu'on attende une semaine, une dizaine de jours. Tandis qu'à l'intérieur, en godet, il n'y a pas de problème. Hein. On met, je vais le mettre dans le jardin, ça va vite. Je vais mettre des émissions plastiques dessus. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Il y a du compost au pied de l'arbre. Pardon? Il y a du compost au pied de l'arbre, on peut quand même. Moi, j'ai mis du compost autour de mes. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah oui, à condition de ne pas enterrer le compost. Donc, pas. Oui, oui, oui. Jamais enterrer des matières organiques. Hein. Jamais enterrer. Hein. Ben, ils mettent au pied des arbres, mais ils n'ont pas beaucoup de lumière, c'est pas un problème. En Suisse, hein. Ah ouais, mais ils ont suffisamment, ouais. En Suisse. Ah, je parle pas des grands arbres, hein. Des fruitiers, des demi-tiges. Ouais. Ah, moi je parle des bastiges, hein. Le reste, ça, faut essayer. Au pied des bastiges, il n'y a pas de problème. Au pied des maïs. Non, pour les autres trucs, il faut essayer, ça je suis pas sûr. Les bâtons de maïs, ouais. À mi-ombre, ça va, mais pas plus. Hein. Le haricot a bien le maximum de lumière, hein, le nez, la lumière. Tu avais parlé d'associer haricots et maïs. Par exemple. Oui, certains haricots. Mais on les plante tous les deux maintenant. Ah non, non, le maïs doit être planté avant. Ouais. Oui. Ah oui, et même en gros, moi, le maïs, il est déjà repiqué en plein terre, il fait 30 ou 40 cm, donc il doit avoir 40 cm d'avance, au moins. Ah oui, qui est bien parti, et après, mais pas maintenant, alors c'est après le 15 mai ou fin mai qu'on va mettre des haricots autour, à fin mai ou début juin. Il ne faut pas être pressé, il faut d'abord mettre le maïs, soit en gros, déjà à l'avance, que moi j'ai fait, soit maintenant, alors le maïs est prévu, rapidement, alors le maïs maintenant en plein terre. Ouais, ouais, voilà. Donc ça, mais pour faire ça, alors, il faut choisir ce qu'on appelle des demi-rames. Par exemple, le haricot tarbé est un demi-rame. C'est-à-dire, demi-rame fait 1,50 m, 2 mètres. Parce que si vous mettez un haricot orteil de prêcheur, là, qui fait 3-4 mètres, pour un maïs, ça va être difficile. Bien qu'il faut regarder dans le catalogue, il y a des maïs qui font 3-4 mètres de haut. Hein. Il y a des grands maïs qui font... Ça c'est les maïs qui conviennent le mieux. Hein. Spécial pour haricots. Ah, c'est pas bien. Ouais. Non, pas. Il y a des grands maïs là, de 3-4 mètres, c'est formidable. Ouais, ouais. Et sur les topinambours, ça marcherait. Au quoi? Ah, peut-être, oui. Sur les topinambours. Oh, je pense pas. Pourtant, ça dérobe. Parce que c'est très, très tassé. Très... Ouais. Enfin, je dis, il faut essayer, il faut toujours essayer. Hein. Ça dépend. Les haricots ont besoin de lumière, il ne faut pas oublier. Hein. C'est trop l'obscurité, ça ne va pas aller. Un peu de lumière, un peu d'obscurité. Un peu de. Ouais, d'ombre. Ça peut, mais pas trop. Oui, j'ai encore une question, excusez-moi. L'autre fois, j'avais semé des haricots orteils de prêcheur dans des godets. Ils ont tous pourri. Alors, quel degré d'humidité ou trop froid ou trop humide. Quel degré d'humidité, comment vous faites pour arroser le petit godet de. Oui. Il faut mettre. Pour les haricots, par exemple. Il faut un terreau humide, au départ, humide, non, ordinairement, et pas mettre d'eau. Donc, moi, je mets donc dans les godets, donc le terreau tel qu'il est, le terreau tel qu'il est, donc les haricots, puis je mets mes bacs, et puis j'attends. Et quand je vois que les haricots, ils sont germés, donc ça pousse la terre en haut, alors je mets de l'eau. Pas avant, j'attends qu'il soit germé. Mais le terreau ne peut pas être sec, hein, bien sûr. Mais le terreau doit être humide, légèrement humide, le terreau tel quel. Tel qu'il sort du sac. Et pas mettre d'eau pour ça, pour les haricots, je parle. Hein. Et donc les mettre comme ça. Et attendre qu'ils soient germés, on voit. Hein. Ça fait, hein. Et alors quand ils ont germé, alors je mets de l'eau. Pas avant. Alors, donc les haricots, le soja, donc le soja, il pousse très bien par ici aussi. Donc, c'est la même culture que les haricots. Hein. Voilà. Donc, ce que je dis, donc, c'est tout ça à l'intérieur maintenant. Hein. Donc, pour tout ça, il faut attendre pour en planter encore une semaine au moins. Moi, je trouve que pour en planter une semaine. Donc, le haricot, le soja, les pois chiches. Pois chiches, beaucoup mieux que les haricots. Ça pousse. C'est pas aussi exigeant quant à la chaleur que les haricots. Les pois chiches poussent. Donc, de très bons résultats par ici. Les pois chiches. Les lentilles aussi. Les lentilles aussi. Mais alors, les lentilles, c'est un peu spécial. Je ne commence pas de faire pousser les lentilles aux gens qui n'ont pas une belle mère. Parce que... Alors, je vais expliquer tout de suite pourquoi. J'ai pas de belle mère, alors je peux... Parce que pour eux, avec des lentilles, quand on n'est pas équipé avec des machines pour décortiquer les lentilles, pour faire une tasse comme ça, il faut une journée. Donc, il faut une belle mère pour faire... Pour les pousser. Donc voilà, alors, sinon, je dis, donc c'est pas un problème agronomique, là, c'est un problème social. Et pendant que la belle-mère, elle s'occupe de ça, elle laisse le reste de la famille tranquille. C'est une idée que ça. Donc les lentilles, par ici aussi, pas de problème. Et les lentilles, c'est un très bon engrais vert. Hein, ça vaut la peine de voir pousser. Les lentilles aussi, alors, là, directement en pleine terre. Et ça ne crée pas le froid. Enfin, le froid, le grand froid, ouais, mais pas là, on peut y aller, là, les lentilles, pas. Et alors, le lupin. Le lupin à graines comestibles. On commence à connaître le grain, les graines, parce que quand on va dans les. Enfin, au restaurant, ou bien. Quand on est su, maintenant, avec les cacahuètes et avec tout ça, on met maintenant des trucs blancs. Je ne sais pas si vous avez vu des ronds blancs, des trucs, c'est du lupin. Ça, c'est les graines de lupin blanc. Hein, c'est légèrement croquant, comme ça c'est assez agréable. Et donc, ça pousse dans le jardin de la même façon que les haricots. C'est le même genre de culture que les haricots. Ça fait un buisson comme ça, comme les haricots aussi, donc les graines de lupin. Donc c'est très comestible, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et donc, tout ce qui est intéressant pour ça, donc haricots, soja, pois chiches, lentilles, lupin, tout ça, il faut mettre le maximum partout, parce que ça fait de l'engrais pour eux. Eux n'ont pas besoin d'engrais et ils donnent l'engrais pour tous les autres plantes autour. Donc, généralement, c'est des très bons compagnons pour les gens à côté et ça fait. Voilà. Et il y a des questions non, là-dessus non les oiseaux sont très friands. Les oiseaux sont très friands du pain. C'est bon. Et alors moi, j'ai essayé là, il y a 2 ans une ligne de lupin. Tout ça fait manger. Faut mettre un filet, faut mettre une protection. Faut mettre un panneau. Mais non, mais il faut mettre une protection, un voile de forçage. Moi, je mets un panneau quand j'ai tout battu comme ça. Je dis, si vous exagérez, c'est la guerre. J'ai tout compris. Je taille avec la meilleure du truc. Je bute. Alors, le maïs. Donc, le maïs, maintenant... On peut faire en godet, mais on peut faire maintenant en pleine terre. Donc le maïs n'est pas très connu. Je vois, il n'y a pas beaucoup de gens. Je vois quand ça prend, ça commence, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Pourtant, je veux dire, c'est aussi bon, c'est pas meilleur que les petits pois. Hein, selon les variétés de maïs. Hein, donc c'est les maïs potagers. Hein, les maïs doux et sucrés. Hein, donc il faut regarder les rubriques. Enfin, même comme ça, hein, cru comme ça, mangé comme ça, c'est comme des petits pois sucrés, juteux. Ah, c'est bon, hein, ça vaut la peine. Les gens n'ont pas encore l'habitude. Pourtant, beaucoup de pays du monde, ça, c'est un aliment de base, je veux dire. Hein. Donc, c'est maïs sucré, tout ça, ça vaut la peine. Alors, en même temps, par ici, ça pousse aussi le sorgho. Le sorgho pousse très bien par ici. Donc, le sorgho, ça ressemble au maïs. Donc, la plante, c'est la même genre de culture, mais ça fait des grandes panicules. Au lieu de faire des épis comme ça, ça fait des bon, hein. Donc, sorgho. Alors, comment le manger, ça, on doit rechercher. Mais, et les gombos. Non, mais par ici. Je veux dire, en Afrique, on fait... On tape, on fait Par ici, mais les grains, bah oui, parce qu'il faut décortiquer, il y a une peau qui est donc dans la soupe, dans les bandages, sinon c'est un bon. Pour les oiseaux, c'est formidable, ça, ils adorent ça. Les poules, ils adorent ça. Et tout. La plante, elle est jolie, même qu'on plante dans des mains, ça va. Mais je pense qu'il y a intérêt à le mettre, comme on mange maintenant de plus en plus, les gens mettent des céréales dans les jardins pour avoir du blé pour, dans les soupes et dans les. Bah, le sorgho peut très bien convenir pour ça, le maïs aussi, et le millet. Hein, le mil, le millet. Pousse très bien par ici aussi, donc ça fait des petites graines. Là, le truc pour tous ces trucs-là, c'est comment utiliser, comment récupérer les grains, comment faire là. Je ne suis pas un grand spécialiste là-dedans, hein, oui. Ah ouais, ouais. Donc le maïs, le sorgho, le millet, voilà. Ouais, parce que ça, tu... Le gombo. Gombo, gombos, ça ressemble à quoi? Hein? J'ai deux beaux plants, moi. Je voudrais savoir. Ça, c'est la plante qui a besoin le plus de chaleur. On fait 25 et 30 degrés. Oui, comme les poivrons, comme les. Ah, plus. Ouais. Plus, en fait. Ouais. Donc, je me cultive à l'intérieur. Ouais. Dehors, ça ne va pas. Alors, même à l'intérieur, pour vraiment un bel été. Donc, c'est les gombos. Les... Encore un autre nom. Okra. Oh, mais ça ressemble à quoi? Ça pousse dans les Antilles, dans les Bandales. J'ai regardé sur mes livres que j'ai, pas moyen de le trouver. Hein? J'ai regardé sur... C'est comme un poivron. C'est comme ah oui, voilà. C'est comme un piment, oui. Vous le trouvez au Belève? Oui. C'est un peu spécial, oui. Mais c'est difficile, très difficile pour la chaleur. Et c'est un goût spécial. On fait un plat national dans les Antilles à base de gombo. C'est notre plat national. Avec, en Turquie, on mange beaucoup, en Inde. Ouais. C'est un pays asiatique. Mais ici, vraiment, en dehors, ça ne va pas. En serre froide, quand il y a un bel été. Ouais, un... Alors, les courges. Donc, alors, les courges. À l'intérieur, on peut en gronder. Là, maintenant, il faut faire maintenant. Dehors, c'est la même chose que pour les haricots. Encore attendre une semaine, deux semaines, selon, il faut voir l'évolution du temps. Parce que dans une terre froide, ça pourrit. Hein, ça ne germe pas, ça pourrit. Hein, donc c'est ça. Il faut que la terre soit assez chaude. Hein, c'est pour ça. Le mieux, c'est de faire démarrer, engloder à l'intérieur et puis d'aller repiquer. Mais dans 8 jours ou 15 jours, on peut mettre directement en plat. Donc, dans les courges, je les appelle dans les courges. Courges et courgettes, les petits ronds, les petits marrons, hein, c'est toute la famille des courges. Donc celui qui cherche, il doit regarder dans courge. Hein. C'est là donc que tout est repli, hein. Petit rond, petit marron, courge. Ouais. Donc ce qu'on appelle courgette, c'est une courge qui ne court pas. Donc quand on dit courgette, mais ça fait un mètre carré, hein. il faut compter à peu près un mètre carré. Ouais. L'avantage de planter en godet maintenant ou de planter en pleine terre dans le semis en pleine terre dans 15 jours. Il y a intérêt à faire en godet parce que dehors, on ne sait jamais quel temps ils vont faire ici. Et puis les oiseaux, ils aiment bien ça. Ils ont repéré ça. Ou bien les rongeurs, si vous avez des rongeurs. Oh, les graines de. Oh, les rats, ils adorent ça. Si vous avez des rats, les rats, ils sentent ça de loin. Hein. Les graines de courge de potimarron, ils vont. Ah ouais. Et donc voilà. Ah non, moi je trouve que c'est mieux. Là maintenant, engloder, faire démarrer, engloder, et puis aller les mettre. Ouais. Alors, les concombres et les cornichons. Donc c'est plein moment. Concombre, cornichon. Aussi bien. Donc les courges, c'est pour les courges, c'est pour la pleine terre. Hein. Les courgettes aussi. Hein. À l'intérieur, en serre froide, ça ne va pas. Hein. Ça va, mais vous n'avez pas de fruits. Hein. Ça fait j'ai déjà essayé plusieurs fois. Du feuillage, des fleurs, du feuillage. Et jamais de fruits. Hein, donc il n'y a pas de nouaison du fruit. Donc. Les couches dehors. Mais les concombres et les cornichons, bien. Aussi bien dehors qu'à l'intérieur, en serre froide. C'est même en serre froide que les concombres, ils donnent le mieux. Faire pousser, faire grimper. Ouais. Faire un tuteur lié. Oh, ça donne des résultats magnifiques. Mais dehors aussi, ça marche. Mais la même chose, faire démarrer en godet. On peut le mettre comme ça. Oui. Oui, là, allez-y après. Bah. Oui. Quand ils sont levés en godet, à partir de quand on peut les remettre en plein terre? Il faut. Trois vraies feuilles après les cotylédons. Donc, quand ça germe, c'est des fausses feuilles, on dit, les deux cotylédons, des fausses feuilles. Après, il vient deux vraies feuilles, et puis, petite feuille au milieu. Donc, quand il y a deux vraies feuilles, puis une petite feuille de milieu, on peut laisser un peu plus tard aussi, mais ça demande à pas trop traîner. Mais c'est toujours une question de temps. Hein. S'il fait mauvais dehors, il vaut mieux qu'il reste un jour, deux jours, trois jours, encore là, plus à l'intérieur, plutôt que de mettre dehors. S'il fait bon dehors, il vaut mieux mettre dehors, ça va aller mieux, tant qu'il fait bon, plutôt que de traîner à l'intérieur. Mais ça, c'est une question d'appréciation, c'est une question de temps, hein, de climat. Hein. Pardon ? Pour les haricots, c'est la même chose. Oui, c'est un peu la même chose. Ouais, ouais, ouais. Oui. Les courges et les potimarrons, on les démarre en godet dans la maison ? Oui. Ah ben oui, dans une véranda, dans une serre froide, dans une. Oui, oui, oui. En godet à l'intérieur. Oui. Au-dessus, donc pour germer, entre 20 et 25 degrés. Hein. On a tellement l'habitude maintenant des courgettes et des couches de potimarrons, c'est toujours un légume tropical. Hein. Donc pour germer, c'est entre 20 et 25. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de graines qui pourrissent parce que les gens. Se rendent pas compte que c'est l'habitude maintenant. Ah ben non, hein. Vous avez presque tous pourri si vous ne si vous faites pas germer entre 20 et 25. Hein. Même moi, j'ai déjà eu la fête, j'ai déjà essayé, parce que je dis, c'est plus habitué maintenant, peut-être j'essaie toujours. Hein. Mais non, hein, pas, ça ne va pas. Hein. Donc il faut entre 20 et 25. Sur, oh, je veux dire, une petite semaine, c'est là, hein, même pas. Hein, ouais. Oui. Ah oui, on tient bien sûr. Ils se mélangent entre eux. Ah si, si, si, si. Ah oui, oui, ah, si, ça s'hybride. Ben, il faut regarder. Il y a cinq grandes familles dans les courges. C'est pour ça que j'ai mis le nom latin, que les gens disent, ah, je suis devenu un petit peu snob, je mets le nom latin à côté des plantes. Mais non, c'est parce que les cinq grandes familles ne s'hybrident pas entre elles. Donc, si c'est de la même famille, ça s'hybride. Si c'est des familles différentes, donc les cinq familles, si on met cinq, là, ça ne s'hybride pas. C'est pour ça que les gens disent, mes potirons, ils sont hybridés avec des... Comment, les trucs d'ornement. Les coloquins. Les coloquins, ah ben, c'est impossible. C'est fou. Possible, non, non. C'est dans les courges, il y a des courges qui ne sont pas très bonnes, qui ont un goût. Mais ce n'est pas avec des coloquins, ce n'est pas la même famille, et ils ne savent pas s'hybrider entre eux, les coloquins et les courges. Mais certains courges entre eux, des courges comme en calebasse, par exemple, des trucs avec des autres, ça ouais. Alors ça donne un goût acre à certains potimarrons, hein, à certaines courges. Donc c'est pour ça, donc, la famille est marquée, là entre eux ça s'hybride. Mais pour le particulier, je veux dire pour le jardinier, c'est pas grave si c'est dans un bon sens. Parce que, par exemple, si vous avez, ça dépend ce que ça donne. Vous mettez des potimarrons qui sont une chair comme de châtaigne, très sucrée, à côté d'un potiron en soupe, genre étampe comme ça, qui n'est pas très sucré pour faire la soupe. Bon, si ça s'hybride, ça dépend de ce que vous voulez. Dans le bon sens. Si le potiron, le gros potiron étampe, vient à une chair plus sucrée pour machin, c'est, vous avez gagné, vous avez un gros potimarron. Hein, donc on dit, mais si vous reproduisez comme ça, vous savez plus. Mais c'est pas grave pour le jardinier amateur, c'est rien. Ça dépend du résultat que vous avez. Vous pouvez reproduire les graines, donc tout va s'hybrider à la longue, mais si c'est dans votre désir, si ça reste bon, tel que vous voulez, ça, bah oui, c'est ça. Mais sinon, moi, j'aime pas les soupes sucrées. J'aime bien les potimarrons, comme ça, en frites ou à la poêle ou en purée, c'est formidable. Mais dans la soupe, ça donne des soupes sucrées. Donc, si tous mes potimarrons en soupe, ils viennent sucrés, je ne dis pas que ce n'est pas bon, le soupe sucré, hein, mais voilà, ça dépend du goût des gens. Donc, l'hybridation en soi n'est pas une mauvaise chose, hein, mais il ne faut plus le mettre dans le courant, par exemple, on ne peut plus le mettre dans le circuit ici, hein, des graines qui pourraient être hybridées. Hein, parce que dans une paire d'années, il y aura un paquet unique, alors, hein, on va mettre, on ne sait pas savoir, on va pas savoir ce qui va pousser. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée, j'ai déjà pensé à ça. Hein. Ça c'est mettre unique, et puis on sème, et fait, et puis on verra ce qui va venir. Hein. Voilà. J'ai une question, Gisèle. Tu as dit que concombre et cornichons, on peut laisser en serre. Est-ce qu'on peut laisser en serre les poivrons ou aubergines? Oui. Ah oui, oui. C'est en serre froide, le mieux. Hein. Et quand on a une petite serre, est-ce qu'on peut mettre dans des pots? On n'est pas obligé. Certains, oui. Mais il faut regarder les buissons. Alors. Plantes basses ou buissons. Dans le catalogue, il est indiqué. Il y a certaines plantes qui conviennent, oui, mais pas tous. Il y en a qui viennent trop blancs. Mais il y en a que j'ai déjà eu de très bons résultats. Oui. Mais des pots de minimum 3 litres. Hein. Voilà. Ah oui, minimum 3 litres. Même plus, c'est mieux, mais 3 litres. Hein, ouais. Et poivrons, aubergines, donc il faut regarder dans le catalogue. Oui, il faut regarder le catalogue qui est marqué plante basse ou plante buisson. Cela, oui, on peut faire. Tout ce qui est buisson. Ouais. Les autres aussi, on pourrait les faire. Mais oui. Il faut des. Il faut des grands pots, hein, des volumes importants. Oui, oui, oui. Ah oui, on peut tout les faire. D'accord. Il faut des grands, des grands pots. Ouais. Tandis qu'un 3 litres avec les plantes buissons et tout, oui. Ouais, ça suffit. Ouais. À condition de laisser toujours humide. Moi, donc il faut mettre un sous-plat, on appelle un en dessous. Ah, il faut toujours laisser de l'eau au pied. Ah oui, ouais, dedans, ouais, ouais. Dans le fond, faut, ah, ouais, ça. Quand on fait la culture en pot, l'eau elle doit rester ah, ouais, dans le bas. Il faut, ah, ouais, ouais. C'est ça le danger. Parce que sinon, sur quelques jours, oh, tout, les feuilles ah sont... Ah ouais, la gueule. Non, ça va vite. Hein. Oui. Je voulais revenir sur les pots. Dites-moi, oublié. Vous les avez mis en place. Pardon? Quand vous les avez mis en place dans le jardin, est-ce qu'il faut faire quelque chose? Ça se pince, on laisse tout faire Ouais, on laisse tout faire. Ouais, si ouais, si vous mettez des poivrons dans le jardin, il faut les pincer, parce que vous n'allez rien voir. Non, les courges. Ah, les courges, non, vous le laissez comme ça. Ouais, les courges. Bah, les courgettes, eux, ils restent. Ça dépend, moi, je pince les courges. Les courgettes, ça reste. Mais les courges, ils coulent. Ah, ceux qu'on peut faire, on peut les faire grimper. Ça ramifie de l'autre côté. Même sur les arbres. Donc, moi, c'est ce que je fais. Si vous allez voir, dans quelques mois. Donc, je les mets par terre à 50 cm des arbres. Donc, après, ils coulent. Et la plus belle branche, je veux dire, plus belle ramification, et je la fais monter sur les arbres. Jusque 10 kilos comme ça. Hein. Ils peuvent pendre. Comme ça, hein, dans les arbres. Hein. Ah oui, donc j'ai des pommes formidables. Hein, pour mes gosses, je dis, des pommes. Non, non, donc par exemple, les potimarrons ou les courges à petits fruits, il y en a des 1 kilo, 2 kilos et tout ça. On a intérêt. Donc, à son jardin, à utiliser, à faire monter vertical, on gagne beaucoup de place et les fruits sont plus beaux. Par exemple, les cornichons aussi. Hein, vous faites grimper, c'est pas par terre, vous avez, c'est propre, c'est, hein, voilà. Ou bien alors on les fait monter sur les rames qu'on a mis les petits pois. Si vous avez mis des rames aux petits pois, des trucs, vous mettez les courges au pied, après, pour les faire grimper sur les rames, hein, donc vous avez gagné 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres là de ah ouais, ouais, les conditions, les courges, ouais, ouais. Et vous pincez au bout de combien de fruits? Jamais, jamais. Jamais. Non, non, non. Ah, non. Ah ouais, ouais, il faut pas passer, non, non, non, non. Non. Oh non, non, la plante elle n'est pas contente quand vous passez. Non, non, non, non, non, non, non, non, la plante, non, non, non. Tout ce qui est, toujours éviter les blessures, quand il y a moyen. Hein. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais toujours éviter de pincer, de faire, ça c'est l'entrée aux maladies et aux bazar. Quand la plante elle est blessée, ou bien même, on connaît encore très peu ça. Mais ça provoque des stress et des trucs. Donc on est encore au début de découvrir tout ça. Mais la plante est quelque chose de vivant. Et tout ce qui est vivant, on ressent. On ne sait pas si elle souffre, si elle bazar, si, on ne sait pas. Il y a encore dit des gens, mais encore dit les animaux, on peut le machin, ça ne souffre pas. Ce qui est faux. Maintenant, on sait très bien que c'est faux. Les animaux souffrent comme les gens, quand on fait mal, ils souffrent. Hein, c'est autre chose. Et les plantes, il y a grande chance que c'est comme ça aussi. On dit souffre pas, ben, on n'en sait rien. Et il y a grande chance que si. Toutes les expériences assez récentes ont montré qu'ils sont sensibles et que ça souffre. Donc, quand il y a moyen, pas le faire. Alors, quand ils vont dans la direction qu'on ne veut pas, parce qu'ils sont têtus, hein, alors, ceux qu'il faut prévoir pour pas. C'est des cavaliers. Donc, des trucs comme ça, des cavaliers. Alors, on les fait aller tourner. On met un cavalier pour qu'ils tournent en rond comme ça, plutôt que d'aller, par exemple, si on ne veut pas qu'ils vont dans telle direction. Ça dépend ce qu'on veut. Hein. Quelquefois, on ne demande pas mieux qu'ils vont sur telle direction. Par exemple, si vous avez une haie, des trucs comme ça. Vous mettez au pied d'une haie, ils vont coloniser toute la haie, et vous allez avoir tout plein de potirons qui poussent dans la haie, comme ça. C'est très intéressant. Hein, faut occuper tout. Hein. Donc là, il y a intérêt à faire un qui glisse. Mais sinon, vous faites tout dans l'ombre et des cavaliers. Si vous ne mettez pas le cavalier, ça va revenir à la même place. Hein. Ah, c'est formidable. Vous touchez, vous faites, et bien, il ne veut pas, il va revenir le jour d'après, de nouveau. Nouveau là. Ouais. Allez. Alors, les choux non paumés. Donc, c'est tout le mois. Donc, ici, maintenant, on n'est plus dans les semis urgents, hein, dans les semis du mois, tout ce que je viens de dire là. Hein. Donc, les choux non paumés. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Mais, alors, c'est formidable pour avoir des choux à manger tout l'hiver et tout le printemps. Donc, c'est des choux qu'on sème là maintenant, ce mois-ci, et même certains jusqu'au mois de juin. Pour regarder dans le catalogue la rubrique choux non paumés, il y en a là-dedans des magnifiques. Il y en a qui viennent beaucoup, qui viennent de Sibérie. Donc ils gèlent jamais, ils peuvent geler aussi fort qu'ils veulent, 30, 40 cm comme ça, et ils deviennent bons quand ils gèlent. Au plus ils gèlent, au plus il fait froid, au plus ils deviennent bons, tendres et sucrés. Hein, donc, vous voulez avoir des légumes en plein hiver, en plein terre, ça, et au printemps, c'est formidable. Il y en a d'autres qui montent jusqu'à 3 mètres de haut. Hein. Le truc hollandais, le chou bâton, hein, il monte jusqu'à 3 mètres de haut. Hein. Hein, il fait des troncs comme un arbre, et on dirait un palmier qu'on a dans son jardin. Hein, donc, et puis il y a les autres, le noir de Toscane, quelque chose de magnifique. Un feuillage de palmier noir. Donc vraiment, c'est magnifique comme plante et tout ça. Tout ça, c'est comestible, mais pas avant les premiers gels. Donc c'est vrai, mais à semer maintenant, donc repiquer après quand il y a de la place, hein, quelque part, pour l'hiver et pour le printemps. Et donc au plus il fait froid, au plus les légumes deviennent bons. Donc c'est tous des légumes qu'on a au moment où il y a moins, hein, plein hiver et puis au sortir du printemps. Il est vivace, alors Non, pour moi, pardon. Il est vivace, le chou bâton, il y en a qui restent quelques années, pas tous, il y en a qui, après qui montent en fleurs. Alors, c'est aussi très important, vous allez l'oublier, parce que tous ces choux, après, fleurissent, pas tous, mais il y en a la plupart, fleurissent au printemps. Donc, ils montent en graines au printemps, avec une floraison jaune magnifique. Donc, très ornemental, mais ce n'est pas seulement ornemental, c'est qu'alors, c'est la nourriture pour tous les abeilles sauvages, les bourdons, les machins, quand ils viennent, cette année, avec le colza et il y a certains trucs qui ont pas gelé sur l'hiver pour les fermiers. Tout plein jaune, la moutarde et tout ça. Oh, les abeilles ont été. C'est le régal des abeilles et des. À condition de ne pas pulvériser, bien sûr. Hein. C'est le régal pour la nourriture. Donc, ça ne sert pas seulement. Même si on ne les mange pas, on a au moment où il faut, donc pour les attirer, pour manger. Parce qu'il y a des gens qui demandaient pourquoi je laissais monter en graines les choux, là. C'est pas. Ah ben je les donne aux poules de temps en temps régulièrement, mais ça attire, c'est rempli de bourdons, d'abeilles, hein, pour polliniser mes fruitiers. Hein. Donc tout a une signification, hein, c'est pas comme ça. Alors, les navets, le début, hein, les navets, donc on peut semer encore ça jusqu'au mois d'août. Mais celui qui aime bien ça, les navets raves, les choux raves, donc choux raves, navets raves, navets, donc petitement, ben selon les goûts. Les gens qui aiment beaucoup les navets peuvent semer beaucoup de navets. Mais je veux dire, ça peut aller jusqu'au mois d'août, quoi. Hein, c'est, pour l'hiver, c'est les derniers semis, c'est au mois d'août, pour en avoir tout l'hiver et le printemps, c'est au mois d'août. Mais on peut commencer maintenant. C'est extra, hein. Les navets dans les soupes, dans les couscous, dans les. Enfin, et les navets raves aussi, hein, les otabaga et tout ça. Hein. Alors, les betteraves potagères. Donc, ça commence à être un bon moment, mais encore pendant un mois, deux mois. Hein, donc, les betteraves potagères. Donc je ne dis pas les betteraves rouges, parce que dans les betteraves, il y a toutes les couleurs. Hein. Il y a les jaunes, il y a les rouges, il y a les blanches. Il y a les rouges et les blanches, les chioja. Hein, c'est des betteraves, il y a un cercle blanc, un cercle rouge et tout ça. Pour mettre dans les salades, c'est coupé, c'est formidable, c'est beau, c'est joli. Voilà. Donc les betteraves potagères. Alors la tétragone. Là, il faut dépêcher plutôt. Je ne l'ai pas mis dans les urgences parce que c'est pas. Mais la tétragone. Donc, épinaire de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un épinaire d'été qui aime bien et l'humidité et la chaleur. Au plus il fait humide, au plus il fait chaud, il pousse qui pousse. Donc, c'est une plante rampante. Il faut compter minimum un mètre carré, mais plutôt 2 mètres carrés. Mais ça ne fait rien. Ça peut pousser entre les plantes qui poussent en haut, par exemple, le maïs, ça peut pousser dans le bas. Ça occupe le bas. C'est vraiment délicieux. Très très bon. On mange le bout des tiges et des feuilles à fur et à mesure que ça a vendu, on pince, on mange et puis ça pousse, ça continue de pousser. Donc ça c'est une plante qui n'a pas peur des pincements. Qu'on coupe au contraire. Chaque fois qu'on pince, boum, ça, elle est repartie. Et c'est vraiment, vraiment très bon à manger, ou bien cru, ou bien comme les épinards. Tétragone. Mais le problème c'est pour les faire germer, pour les faire lever. Parce que la semence qu'on a, c'est pas une vraie semence. C'est une akène qu'on appelle. Une akène, ça veut dire, c'est une boule, c'est une enveloppe dans laquelle il y a les semences. Et dans chaque petite graine, il y a 3, 4, 5 semences. Mais alors, c'est devenu dur que la graine, elle ne sait pas sortir. Alors, 48 heures congélateur, ou bien alors un gros coup de marteau sur le machin pour casser cette enveloppe et après germer en godet. Hein. Mais une fois qu'on en a souvent, ça repousse tous les ans tout seul. C'est curieux. Pour faire germer, c'est si difficile. Et une fois qu'on l'a, les graines, ils passent l'hiver dehors, tout ça, avec le froid. Et puis, comme maintenant, boum, Ça sort partout, ça lève partout. Donc, bon, voilà. Et on ça. Peut la diviser aussi, hein, Gilbert. Est-ce que la diviser la tête, parce qu'il y avait des points à la tête. La diviser comme oui. Quand tu as ton plan l'année suivante, tu peux la diviser pour la multiplier. Oh, ça je sais pas, parce que c'est. Ça ne se replique pas à racine nue. Non. Non, donc c'est difficile. C'est un risque que. Tu te tires, te divises, qu'ils vont mouiller. Mais je sais pas, hein. Ouais. Non, ça, je sais pas. Donc, attention. Je sais pas si ça dit. Quand t'as des repousses comme ça. J'ai vu en tout cas. Ah ouais. Bah alors, s'il y en a que ça pousse comme ça, et à un endroit où on veut pas que ça pousse, il faut les planter avec la terre autour. Hein. Minimum. Avec, laisser la terre autour pour aller repiquer ailleurs. Mais sinon, repiquer en godet et maintenir humide et chaud. Hein, pour faire lever. Mais avant, quand est là, hein, c'est contradictoire, mais ce n'est pas contradictoire. D'abord, 48 heures congélateur à moins 18 pour les faire sortir de leur dormance, puis mettre dans un terreau, là, chaud et humide. En fait. Mais alors, à coup de marteau, il y en a qui ont fait ça et qui ont des bons résultats. Moi, j'ai fait cette année sans coup de marteau, j'ai mis assez tôt comme ça, et j'ai eu des bons résultats. Tandis que l'année passée, oh, je me misais pour faire germer. Donc, il y a des années comme ça. Là, j'ai déjà repiqué en plein terre. Et alors, j'ai trouvé, mais enfin, ça fait partie de ma personnalité, j'ai trouvé une tétragone rouge. Alors, tout ce qui est rouge, moi, je saute dessus. Hein, quand même, alors, j'ai trouvé une tétragone qui a une couleur rouge. Donc, je l'ai mis là. Enfin, agronomiquement, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein, bon, voilà, je vais vous le dire plus tard. Gilbert, j'ai une question. Les gens qui sont allergiques au rouge, là, ils ne doivent pas planter. Hein. Alors, il faudrait 1 ou 2 mètres carrés, mais comment ça, alors, combien on en plante, ça, c'est en ligne, ou c'est, je comprends pas trop. Non, hein. comme les courgettes, hein. Comme un plant, quand vous avez un plant, ouais. ça prend, ça s'étend sur 1 mètre ou 1 mètre carré, ouais, ça s'étend. Donc, un plant tous les mètres carrés, ou tous les 2 mètres carrés, hein, ça va occuper tout le terrain. Hein. Il y a beaucoup de sol. Ah oui, c'est un couvre sol formidable. Mais vraiment, c'est bon, ça vaut la peine. Les gens qui ne connaissent pas ça, ouais. Parce que l'épinard, quand il fait chaud, au-dessus de 20 degrés, c'est fini. Hein. Ça ne pousse plus, ça lève plus, ça gemme même plus. Hein. C'est 15 degrés, c'est, au-dessus de 20 degrés, l'épinard, c'est fini. Mais pas ça. Donc on appelle ça épinard de Nouvelle-Zélande, mais ce n'est pas la famille des épinards. Ça vient de Nouvelle-Zélande, c'est la tétragone, c'est à part. Ouais. Ça vaut la peine, ça c'est un légume à découvrir pour ceux qui ne savent pas. Voilà, bon, j'ai encore 5 minutes, allez, je vais aller vite alors. Hein. Le fenouil, le début du fenouil, hein. Le début. Il faut encore attendre au moins un mois ou 2 mois pour qu'on ait sûr que le fenouil ne monte plus en graines. Donc chaud et humide, donc c'est ça. Mais moi j'aime bien tôt, donc je mets tôt. Bon, ça marche ou ça ne marche pas, ça fait, mais voilà, hein. Mais ça va bien par ici. Mais les semis plus tard, là on est sûr que ça ne monte pas. Ça garde même tout l'hiver. Alors que c'est difficile qu'il faut chaleur et humidité pour lever, pour germer, pour pousser. Après, une fois que c'est là, même au moins jusqu'à moins 5, ça garde. Ah ouais, j'étais très surpris. Alors maintenant, j'en rentre toujours dans ma serre froide, je le pique et j'en ai tout l'hiver. Donc il y a du fenouil aromatique. Mais tous les fenouils sont aromatiques. Mais il y en a du très aromatique. Et il y en a du magnifique, le fenouil bronzé. Celui qui n'a pas encore ça. Donc, ça fait une plante d'un mètre, deux mètres. Feuillage léger, bronzé, comme ça. Un goût formidable, c'est joli. Et donc, aromatique. Donc, il y a des fenouils vivaces, alors. Hein. Vraiment, des vrais vivaces, aromatiques. Et puis, il y a les fenouils bulbes, qui font des bulbes. Ça, c'est moins aromatique, mais c'est, c'est annuel. C'est pas vivace. Hein, c'est, voilà. Alors, on peut commencer maintenant les chicorées sauvages. Les chicorées, par exemple, les ont du frisé, les scaroles et tout ça. Et aussi les chicorées sauvages italiennes, hein, les pains de sucre, les Chioggia, les Castelfranco et tout ça, mais jusqu'au mois de juillet. Donc ça commence maintenant. On peut faire jusqu'au mois de juillet. Ce qui a le risque maintenant, si c'est trop froid, un été chaud et sec, c'est que ça monte en graines. Voilà. Mais enfin, ça vaut la peine d'essayer, parce que c'est ça qui fait des vrais mesclins, qu'on appelle mesclins, c'est... Les chicorées sauvages avec des laitues, avec les roquettes, avec mélangées. Et donc, mais généralement, ça va. Donc, pour les chicorées, il faut choisir maintenant un mi-ombragé et humide. Donc, mi-ombragé et humide. Et pour tous les chicorées, ils ont diffusé ce carole aussi. Mais, je dis, jusqu'au mois de juillet, août. Hein, donc, voilà. Le pané, ça, oui, ça l'est maintenant. Hein, ouais. J'adore le goût de la marge. Un goût un peu de noisette. Et je cherche une salade ou une laitue. Croquette. Ah ben non, un poulet pourquoi pas mange. Je n'aime pas l'amertume, donc je cherche une salade qui aura un bon goût de noisette. Est-ce que ça existe? Eh ben oui, la roquette. La roquette, c'est ouais. Mais faut la mélanger avec d'autres salades. Mais la roquette, elle a le goût de noisette. Oui, mais... Amère. Mais la mâche, vous pouvez semer de la mâche maintenant, hein. Tout l'année. Il y a même une mâche spéciale, là, maintenant, le printemps. Hein. Royal Gala. Elle est magnifique. Gala. Hein. Gala, oui, elle est là, elle pousse là, moi, c'est genre. Ouais. Enfin, alors, je dois me dépêcher parce qu'elle est là, je dois arrêter. Sinon, je vais me faire taper dessus pour mon syndicat. Hein. Pas d'heure supplémentaire, je peux pas. Alors, le pané, les laitues, bien sûr, continuez les laitues. Pour semer maintenant les laitues, soit en pot et tout ça, choisis dans le jardin pour le piquer à un endroit humide et semi-ombragé. Donc la laitue n'aime pas du tout la chaleur et le plein soleil. Hein, pas du tout. Donc il faut. Voilà. Alors la mâche, voilà. On peut semer la mâche et maintenant il y a des mâches. J'ai essayé plusieurs, mais il y a une mâche printemps qui va très bien. Elle est déjà là dans le jardin, elle est magnifique déjà. Donc il ne monte pas trop vite en graines. C'est ça. Parce que la mâche n'aime pas beaucoup les fortes chaleurs non plus. Donc mi-ombre et humidité. Mais il y a certaines variétés maintenant qui conviennent mieux. Hein, les mâches à grosses graines, par exemple, convient mieux, ou la mâche de printemps, la nouvelle, là, depuis un an. Hein, qu'on a. Alors, les choux de Chine, c'est le début aussi, mais c'est jusqu'au mois d'août. Donc, c'est le début. La conne de serre, donc c'est une salade, mais c'est de la famille des plantains. Donc, c'est un plantain sucré. Donc, celui qui veut, il peut aller voir tout ça, pousse déjà dans le jardin. Donc, ça. C'est un plantain qui pousse comme ça, comme un plantain, on les feuilles découpées et tout ça, mais qui est délicieux, cru dans les salades. Donc c'est un plantain sucré. Ça s'appelle conne de serre. Alors, continuez les radis d'été. Donc avec les radis, c'est pas fini. Hein. Donc, il y a toute une gamme de radis d'été. On peut avoir des radis toute l'année, hein. Même l'hiver et tout. Et donc, il y a des radis formidables. Donc, il faut continuer les radis. La roquette, pour semer au moins tous les mois, parce que ça monte vite en graines. Donc, en faisant un semis tous les mois, on a un peu ça, hein, ça monte en graines, la roquette. Les céleri à côte, là c'est le moment, là, j'aurais même dû mettre dans les urgences. Céleri à côte, donc à côte verte ou à côte dorée, donc, les céleri, donc à semer en godet. Là c'est urgent de semer ça. Hein. Céleri grave aussi, mais c'est un peu tard déjà. Tandis que céleri à côte, ça peut pas aller. Et le coriandre. Alors, dans les coriandres, il y a deux grandes sortes de coriandre. Il y a le coriandre à petites graines. Et il y a le coriandre à grosses graines. Le coriandre à grosses graines, c'est un coriandre dont on se sert des semences. C'est les semences qui sont aromatiques et tout. On met des deux. Donc c'est dans les aromates là-bas, le coriandre. Et puis alors, il y a le coriandre asiatique, donc qui est à petites graines, et qui est le coriandre qu'en Asie, on remplace comme le persil, comme le, hein, donc là, qui monte beaucoup moins vite en graines. Donc il faut choisir le coriandre légumes, hein, pour avoir au long de l'année, au cours de l'année. Et c'est tout. Merci. Vous allez entendre... Oui, bah, c'est bien.